Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. Je suis Arnaud et je suis Laurent. Playlist. Ça fait un petit moment qu'ils sont là, qu'on les suit dans le podcast francophone. Ils sont deux, ils sont... heureusement qu'ils sont deux, ils ne sont que deux. C'est de la dualité démoniaque, ce sont les deux Doucet, c'est Frangin et Frange 2. Comment ça va Laurent, comment ça va Arnaud? Ça va, tranquille. C'est mauvais ce jeu de mots, Frangin, Frange 2, là j'ai un peu... Enfin, c'est pas bon. Hein. Oh, c'est du barbichou. Oh, tout de suite. Bande de mauvaises langues. C'est incroyable, ça. Quand vous êtes ensemble, vous êtes absolument infernaux. C'est possible. Batman et Robin? Ouais, mais alors version Batman Forever, ce qui ferait quand même beaucoup plus drôle. Oh mon dieu, ah non. Quoique le costume à tétons, c'est pas mal. Mais... avec le petit côté un petit peu crypto-gay dégueulasse. Non. Très, très drôle. Amis des fanfictions, bonjour. Voilà. On est là pour quoi? Oui, c'est vrai, ça. J'avais une chose à vous faire proposer, vu que vous avez tous les deux enregistré votre playlist. D'ailleurs, Arnaud, oui. Tu n'as pas encore écouté celle de Laurent, ce qui m'emplit de joie. Ça va être très pratique. Et bah, à bout d'un moment, bah, fallait bien faire une playlist sur le Broclash. Oh, la mais vache. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord. Est-ce que c'est le Broclash qui venait dans sa playlist? Est-ce qu'il allait vous faire s'opposer sur de la musique? Est-ce que chacun pourrait choisir sa musique? Et bah, on ne savait pas trop. Et bah, vous avez eu une très bonne idée. C'est-à-dire que c'est moi qui vais vous lancer une playlist et puis vous allez discuter tous les deux dessus. Et surtout, vous allez pouvoir, je vais le publier sur mon flux de la playlist, vous allez le publier aussi sur le flux du Broclash. Oui, oui. Et surtout, vous pourrez faire un vote, qui a le mieux défendu son avis entre Laurent et Arnaud, et le gagnant fera le pilote dans mon nouveau podcast qui va sortir un jour sur le cinéma. Oh, avec péremptoire, non? Non, c'est bon, non. J'ai envie de faire plus de 2 épisodes. Oh, ça clash. Ça clash. C'est même pas mon bureau. Voilà. un peu quand même. Mais donc, c'est une playlist qui te ressemble ou t'as cherché un peu le fight? J'ai cherché le fight dans vos playlists respectives et puis je vous mets un petit peu d'accord et j'essaie de sortir un petit peu des sentiers que vous aviez tracés. Je suis très angoissé. Mais non, ça te va aller. De toute façon, la première va être directement dans le tas. Oh putain. Oh oui, bah c'est là on embraye, on embraye tout de suite comme ça, la cash. Ah putain. Ah bah oui, les Beatles, Eleanor Rigby. On va écouter un peu quand même. Eleanor Rigby picks up the rice in the church where a wedding is. Écoutez bien, il n'y a que des violons. Lives in a dream. Donc il n'y a même pas le reste du groupe. Il n'y a pas de batterie, pas de guitare. C'est vraiment des voleurs de poules. Non mais j'ai fait chier, j'ai pris une version digitalement remasterisée, non, étrange. Non, c'est comme ça d'origine. Ça vient de Yellow Submarine, je crois, de l'album, Ouais. Fin du film. Ça raconte un truc horrible sur une jeune fille qui va à l'église et qui est très malheureuse. Enfin, c'est une histoire un peu sordide, je crois, à peu près. Et c'est, à mon avis, moi, le morceau des Beatles que je supporte le plus. Ah bah, je suis bien tombé. Parce que justement, il n'y a pas de batterie, pas de guitare. Et ce qui est très, très chiant dans les Beatles, c'est que c'est super... Ah, on a perdu quelqu'un. C'est non, pas non, il y a quelqu'un qui est mort. Bon. Le problème des Beatles, c'est que c'est super mal joué. C'est-à-dire que Ringo Starr était très mauvais, que les sons de guitare... Oh, ça me plaît, ça. Les sons de guitare sont pas très bons. Donc ce morceau-là, c'est les harmonies vocales un peu de Lennon-McCartney, qui était très jolie. Une composition de quatuor à cordes qui est signée, à mon avis, de George Martin, leur producteur. Donc c'est le moins Beatles des morceaux des Beatles, donc c'est le plus sympa forcément. Quoi. Ouais, mais c'est de la guimauve. Ah, non, mais reste, dans tous les cas, c'est de la guimauve. Tu peux dire ce que tu veux. Je suis tellement Arnaud sur ce coup-là. Mais franchement, celui-là en plus, franchement, il est mou du bulle. Ah ouais, non, mais, ouais, mais il est triste. Enfin, il y a une tristesse qui est jolie là-dedans, parce que c'est pas Oh ma chérie, où elle est, All you need is love, tout ça, les trucs un peu gnangnan. T'as raison, c'est encore plus glauque, limite le chante comme si c'était une bleuette hippie à 2 balles. C'est insupportable. Mais les deux, they all come round. Tu vois, regarde, c'est naze. Mais non. Enfin, putain, je me souviens pas qu'il y avait tout ça. Par contre, ouais, ça a été un peu remasterisé. Je me demande, c'est pas toi, Arnaud, qui en parlait dans la playlist des remasters des Beatles? Si, je disais que c'était une cata, que c'était une honte. Et voilà. Mais. C'est une honte dans le sens. Attends, juste un truc, c'est vraiment une honte parce que chacun ses goûts, hein. On peut aimer les Beatles, c'est pas un problème. Moi, je les aime pas, basta. Mais je comprends pas qu'on ait. C'est quasiment. J'ai utilisé peut-être un mot du rail, mais c'est un petit peu quand même du révisionnisme de ne faire passer plus que les versions remasterisées, nettoyées, clinées avec la batterie qui est calée et tout. Alors que ça a toujours. S'il y a bien des trucs par contre que j'aime. Que je peux encore à peu près apprécier dans les Beatles, c'est leurs deux premiers albums. Tu déconnes ou quoi? Non, avec pas les tout premiers là. Oui, voilà, avec Love Me Do, c'est ça. Parce que, là, moins, c'est le pire de tout. Ouais, mais au moins il y a de la patate, il y a de l'énergie, ils sont jeunes, ils s'en foutent, ils font n'importe quoi. Et quand t'écoutes les originaux, même quand c'est n'importe quoi, c'est fun parce qu'au moins tu sens qu'ils y vont. Après, ça devient un télo à deux balles de merde. Et puis les remasters, en plus, du coup, je trouve. C'est une trahison, je trouve, par rapport à cette énergie là. Ouais, mais Sgt. Pepper, ça reste beaucoup plus intéressant. Enfin, c'est déjà plus intéressant musicalement que les premiers, qui étaient. C'est un groupe qui est hyper sur. Finalement, c'est un groupe. C'est la Beatlesmania qui est hyper surfaite. C'est-à-dire que c'est un groupe qui était. Il y en avait plein d'autres un peu dans le genre. Il y a quelques. Il y a des chansons réussies. Et Eleanor Rigby, c'est marrant que tu aies pris celle-là, Marmouse, parce que pour moi, c'est celle que je préfère des Beatles, parce que on n'entend pas les Beatles finalement. C'est du non-Beatles. C'est la composition des Beatles. C'est-à-dire que les Beatles, quand c'est repris. Je crois qu'on a discuté, quand c'est Joe Cocker qui reprend les Beatles, quand c'est Ray Charles qui reprend Yesterday, c'est des morceaux magnifiques. C'est très bien écrit, mais c'est joué comme des patates, quoi. Voilà. Comme des patates anglaises. Avec des coupes de cheveux de merde. Voilà. Donc, non, celui-là, moi, il y a presque qu'un Beatles à sauver, c'est celui-là, quoi. Non, celui-là, il peut aller avec le Titanic. J'ai une pensée pour Walter qui va peut-être écouter ça et qui va se retourner sur sa banquise. Il va nous faire un petit arrêt cardiaque. Il va le détester. Mais il aime Révolution, il aime tout l'album blanc. Il y a une force de composition qui est indéniable, quoi. C'est pour ça que je disais à Walter, je continue, je crois à Lennon, je crois à McCartney, je ne crois pas aux Beatles. Je crois au tandem de composition. Le groupe en soi, il sert à rien, quoi. Harrison, il a fait quelques bons morceaux après, quand il a sa grosse période hippie avec Clapton. Et Ringo, à part avoir un fils qui est un très bon batteur et une fille qui est juste un mannequin qui est une bombe, ça ne sert à pas grand-chose, Ringo. Alors pour le coup, je suis un peu d'accord. Moi, j'aime beaucoup le McCartney avec sa femme. Les Wings, voilà. Ça reste d'un truc de hippie. Mais voilà, ça a quelque chose d'un peu plus. Enfin, je sais pas. Tu vois, je les trouve plus finalement au niveau de la musique, je les trouve plus honnêtes que tout ce qu'on entend des Beatles. Je sais pas comment le dire autrement. McCartney, il y a plein de potes qui vont voir en concert. Alors encore aujourd'hui, il commence à vieillir un petit peu quand même, mais. Alors il fait des Beatles, hein, il se fait pas chier, hein, il fait du Let It Be, du machin, du truc. Par contre, il a des morceaux lui tout seul qui sont pas mal, qui sont vraiment très pop, très travaillés, voilà. Bon, Lennon, on n'a pas eu le temps de voir trop ce qu'il allait faire. Bon, il a vécu 10 ans après les Beatles à peu près, je crois. Les Beatles sont séparés en 71 et il a été assassiné en 81, je crois, peu de choses près. Oui, 80. Il a fait deux albums, je crois, après. Bon, enfin, il a fait Imagine, c'est joli, mais c'est très représentatif de l'époque, c'est beau et tout. Comme morceau, ça me fait pas relever la nuit non plus. Hein. Non, moi ça m'endort en plus. Donc. Mais vous êtes anti-hippie en fait. Ah, non. Mais alors pour le coup, non. Moi j'adore toute une partie de la musique du Flower Power. Moi tout de Frisco. Hein. Tout ce qui est autour des vrais mouvements hippies de San Francisco. Il y a des trucs vraiment géniaux qui portent vraiment les idéaux, la musique, qui portent une énergie de. Enfin, moi de toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. Il porte un truc de ouf, quoi. T'as les King Crimson, Jethro Tull, t'as Grateful Dead, faut vraiment. Non, faut vraiment prendre des trucs pour trouver ça bien, parce que les mecs. Grateful Dead, non. Non, Grateful Dead, moi, c'est ma limite. Ça rejoint un peu les Garfunkel, ça atteint le trop mou pour moi. Il y a des trucs qui ont un peu plus que de patates, un peu plus expérimentaux, même des fois. J'ai pas de nom qui me vienne en tête, évidemment. Bah, les Beach Boys, c'est un groupe bien plus intéressant, voilà. Je trouve, que les Beatles. Ah bah oui, puis alors, Si l'Artarus qui dira le contraire, mais... Voilà, et si d'ailleurs avait fait dans un épisode de... Du Plan B avait fait un super dossier sur eux, qui racontait aussi l'histoire du chanteur et de son frère. Ils ont un peu mal tourné, enfin, hein, il y a un... Coup, très très mal tourné, et c'était super intéressant, écoutez-le si vous pouvez, d'ailleurs. Ouais, non, mais c'est... Voilà, non, j'aime mieux ce genre de choses que les Beatles, quoi. Après, ça reste de la... Les Beatles, c'est de la pop anglaise, hein. C'est ça, le truc. Donc après, il faut aimer la pop anglaise, quoi, comme Coldplay. Non, mais j'ai bien compris que vous étiez plus rock. Hein. Ça, c'est l'héritage de papa. Oui, oui. Ah, bah ça aide. Ça c'est sûr. Alors c'était vraiment des murs de vinyle, la sacralisation du son du vinyle avec la chanifiée et tout, ou c'était plus... Pas trop, parce que les vinyles du père, c'est moi qui les ai ressortis, parce qu'à un moment, ils étaient à la cave, et c'est moi qui, à un moment, en exploration musicale, archéologique, ai ressorti des choses qu'il avait laissées un peu de côté. Donc ça lui est revenu après, il s'est mis à racheter des CD, à suivre ce que disait le grand Philippe Manœuvre, qui ne s'est jamais drogué. Hein, Philippe Manœuvre. Jamais. Ouais, c'est pas drôle qu'il est jamais redescendu. Mais donc voilà, donc à un moment, mais oui, après, par contre, quand tu ouvrais les boîtes, t'avais du Deep Purple, t'avais du Stone. Ah bah voilà. T'avais des choses plus du Hendrix, t'avais du Cream, t'avais des choses. Ah, ça c'était bien ça. Donc voilà, des choses beaucoup, effectivement, forcément beaucoup plus rock. Papa faisait de la guitare, il en fait toujours, mais voilà, donc forcément, ça influe sur le fait qu'un guitariste un peu rock, il va beaucoup plus tendre vers ça que, effectivement, vers les Beatles. Que le plan-plan des Beatles. Que le côté les rockers mais pas les Beatles hein, voilà les blouson noir je crois que je te l'avais dit voilà le blouson noir enfin si vous avez un jour vous tombez sur Decaune Garcia quand Decaune faisait Didier Lambrouille c'est une toute petite caricature Didier Lambrouille hein, c'est il y a des mecs comme ça avec enfin voilà le côté banane le machin c'était ça les années 50 le rocker vraiment effectivement comme dit Arnaud le blouson noir ouais bah dans le même. Si vous voulez juste vous faire une idée un peu de l'ambiance, je vous conseille énormément les BD de Lucien, de Margerin. C'est quasiment passé. On le voit quasiment plus, Margerin. Non, peut-être qu'il vieillit. Je peux y aller à la retraite, non. Oui, il y avait une série animée de Lucien qui devait remonter il y a quelque temps. Les BD de Lucien et vraiment l'ambiance qu'il y avait entre 60 et 80, parce qu'il a vraiment écrit très longtemps. Il a fait vieillir Lucien. Ouais. Et Lucien, Lucien est coincé dans son époque. Hein. C'est le mec avec la banane, comme disait Lambrouille, c'est des mecs coincés dans leur époque, quoi. Et j'en ai vu en vrai, moi. Je dirais pas, mais là où je travaille, il y a un mec qui est vraiment coincé en rockabilly, qui a un peu la banane comme ça, et pour qui la musique... Moi, les mecs pour qui la musique s'est arrêtée en 62, j'en ai vu. Hein, dans le milieu scooter, dans le milieu... voilà, partout, ça arrive. De toute façon, pour lire du Lucien, il faut écouter la première époque de Renaud, c'est tout. Il n'y a que ça qui fonctionne. C'est un peu l'idée. Ouais, mais voilà. Enfin bon. Et du Elvis. C'est une petite aparté. Un léger aparté, bien sûr, oui. Toujours. Morceau suivant. Allez. Ouais. Alors celui-là, je pense qu'on va se l'écouter. On peut-être pas tout en entier non plus. Et vas-y. Il fallait qu'on l'ait à un moment. On m'avait discuté dans notre playlist d'Arnaud. Il fallait que quelqu'un en parle de celui-là. Alors pour une fois, j'ai sauté sur l'occasion. Ah. J'ai pas attendu que quelqu'un d'autre le remène. Alors, vous êtes plus rock. Doors. Ah, ça, c'est... C'est marrant, moi, j'ai pas trop écouté. Moi, j'ai écouté, mais au final, il y a que... Les classiques. Il y a 3-4 morceaux, les classiques que je garde, parce que... après, je trouve que ça s'égare. Enfin, je sais pas, ouais, si ça s'égare. C'est très... Moi, je suis... Alors, c'est étrange, parce que moi, je connaissais le nom, comme tout le monde... J'ai eu le choc en voyant les Doors d'Oliver Stone avec un Val Kilmer qui est absolument stupéfiant en Morrison, qui est vraiment bien. Évidemment, il est enterré à Paris, donc je suis passé un jour voir sa tombe au Père Lachaise. C'est presque un poison pour toi. Et après, il y a des bruits de bagnole. Parce que ça, c'est la version justement du film d'Oliver Stone, non? Alors, aucune idée, j'ai pris celle-là qui était sur YouTube. Bon, bref. Ça s'appelle Driving with Jim. Et après, il y a des morceaux hyper puissants. D'abord, c'est une formation de groupe très peu courante, la basse, clavier, chanteur. Je crois qu'il y avait un guitariste aussi, mais je sais plus. Ou guitare, clavier, enfin, il y a une espèce de formation batteur, clavier, basse. Très chelou. Après, je pense qu'on perd beaucoup de choses parce que c'était un putain de poète. Alors, c'était un mec, déjà quand il commence les Doors, il marche aux acides. Enfin, voilà. Et il allait pas durer longtemps. Enfin, voilà. Le mec qui espérait que Morrison fasse 30 ans de carrière, non, j'y crois pas trop. Donc, je pense qu'il y a une poésie dans Morrison, désespéré, complètement what the fuck. que nous on passe un peu à côté. Donc en France, moi il y a quelques morceaux. Par contre, c'est des morceaux qui marchent terriblement bien au cinéma. C'est des films, c'est des musiques d'ambiance. Et il y a une ouverture de film exceptionnelle que Arnaud, évidemment, tu vas voir laquelle je parle. Apocalypse Now. Voilà, Apocalypse Now qui s'ouvre sur les Doors. Mais c'est oui, mais tu vois, c'est le défaut des morceaux qu'on connaît des Doors. Je ne parle pas de tout, hein, parce que au final, la plupart du temps, on les associe rarement. Enfin, pour notre génération en tout cas, on les associe rarement. Finalement à de la musique, mais beaucoup plus à du cinéma ou à des images. Alors moi qui suis pourtant très porté là-dessus, c'est quelque chose qui m'a toujours un tout petit peu chiffonné, parce que c'est ce que je dis finalement, même moi, hein, dans ce que j'avais écouté, je sais pas, il y a 4 albums, et j'avais surtout lu le recueil de poésie de Morrison. Alors moi je trouve qu'à lire c'est super intéressant, mais dès qu'il y a ça me pose un souci quand il le chante, parce que j'ai comme l'impression que ça parasite finalement ce qu'il veut dire. C'est bizarre, hein. Surtout le je crois que c'est le tout dernier album des Doors qui est vraiment entièrement écrit en poésie à la Jim Morrison, et vraiment c'est ouais. Et je trouve que c'est quelqu'un pour moi qui avait un univers de ouf, qui allait avec son niveau de dinguerie à mon avis. Mais qui ne s'exprime pas, comme tu dis, qui s'exprime jamais complètement. Bah après, musicalement, ça c'est des fulgurances, parce que l'or comme ça, c'était très à l'époque, il y en avait beaucoup, mais utilisé de cette manière-là, ça marche très bien. Non, on vient sur ce qu'on disait à l'époque, des sons comme les Doors, il n'y en avait pas beaucoup. Hein. Non, mais sauf qu'on les entend beaucoup sur ces morceaux, il y a des morceaux type Proud Out Blues, type Ella Woman, qui sont beaucoup plus traditionnels, qui sont des rock, des blues. Sûr. Et finalement, quand ça n'a pas cette fulgurance musicale, quand on n'a pas le texte, ça reste du rock sympa des années 70. Alors après, le problème, c'est qu'il a été éclipsé par son côté provoque, à montrer sa bite sur scène, à être extrêmement... à l'époque, pour l'Amérique des années 70, même extrêmement subversif. Voilà. Alors il y a un truc célèbre où il dit « Père, je veux te tuer, mère, je veux te baiser ». Enfin, des trucs, c'est... C'était une provoque extrême qui a finalement, je pense, presque nuit au personnage. À chaque moment, on se souvient plus de ça que des vraies créations de musicales. Voilà. Je sais pas si moi, j'ai pas assez creusé le groupe pour me dire que c'est génial tout le temps. Même, on l'a déjà dit, mais peut-être qu'on en aura après, mais même un groupe comme Floyd, que j'aime pas beaucoup moi écouter, je sais qu'il y a beaucoup de choses géniales selon les albums. Je serais pas aussi catégorique sur les Doors, où je pense qu'il y a des fulgurances. Non. Il y a des trucs un peu plus bateaux après, peut-être. Alors, s'il y a un seul album qu'il faut retenir des Doors, c'est le Morrison Hotel, le dernier. Parce que c'est justement là où il y a... Même si je trouve que des fois, c'est là où c'est le plus bancal par rapport à ce qu'il écrit, par rapport à ce qu'il a écrit en poésie, c'est là où finalement, il y a le meilleur équilibre entre justement ce qu'il dit et la musique. Après, il y a des compos dedans qui sont un poil longos, ou enfin typiquement hippie. De toute façon, c'est un. Je crois qu'il sort en 70, hein, c'est quasiment. Oui, parce qu'il meurt en 60. Milieu, quoi. Il meurt en 71, donc c'est un peu c'est à la fois le début et le. C'est déjà le Flower Power qui commence à s'écraser. Donc c'est déjà un peu. C'est déprimant. Ça, c'est super classe. Ça, c'est un truc, surtout par exemple dans Morrison Hotel et dans les deux morceaux de. Waiting for the Sun, je crois. C'est génial. Il y a cette ambiance. Alors après, il faut avoir le moral accroché pour écouter ce genre de choses, honnêtement. Il faut être de bonne humeur pour se faire plaisir. Mais c'est vraiment, pour moi, c'est le meilleur album des Doors. Alors après, c'est un peu comme avec les Beatles, c'est d'abord une question de ressenti perso. Hein. Mais c'est tout, quoi. Après, oui, ça reste pour moi les Doors, on peut pas passer à côté si on aime toute une frange de cinéma et de la création au sens dans tous les domaines, parce que assez étonnamment ils ont traîné ou trempé un peu partout. Ça a été beaucoup utilisé, quoi. Ouais. Mais parce que c'est une musique qui parle qui te parle. Elle est pour le coup, la force de Morrison dans les compos, c'est vraiment qu'elle te parle à toi avant de parler, avant finalement de porter son propre texte. Et c'est des fois aussi ce qui fait que ça peut être chiant, parce que si tu rentres pas dedans, tu passes. Mais qu'est-ce qui t'a touché particulièrement dans sa poésie ? Sa capacité à être. À porter autant de désespoir que l'espoir. Pour faire simple. Je sais pas si c'est très clair, mais. Il y a vraiment un truc dans. C'est comment dire. Il va porter le. Un truc qui est fort, par exemple, de Morrison Hotel, c'est qu'il va porter tous les idéaux. C'est ce que dit la truc de Wikipédia, parce que du coup, je me la suis mise entre temps sous les yeux pour pas dire de bêtises. C'est mais bon, c'est dans la playlist, je pense que personne ne te voudra. Tu maîtrises mais le copier-coller. Voilà, c'est exactement ça. Il parle des trucs, et il est capable de parler dans le même album de la volonté de faire la paix, l'amour, d'unifier Bidule, avec le côté un peu relou que ça peut avoir, ce genre de discours. Mais lui, avec comment il va le porter en termes de compo et d'écriture, ça va te parler. Et derrière, il va te rebalancer. Donc c'était bien ça, Waiting for the Sun, qui est super lyrique, mais qui est capable de transposer un split de ouf, quoi. Et c'est ça que j'aime. C'est qu'il y a vraiment tellement de choses qui te renvoient à toi, mais dans lesquelles tu peux t'identifier. Et je trouve que c'est celui qui est le plus multifacette, du coup, et que tu peux prendre comme t'en as envie, toi. Je crois que dans le film d'Oliver Stone, il a des visions dans le désert. Enfin voilà, il y a un côté très mystique quelque part. Il faut voir ce film. Alors, pareil, on va partir d'une anecdote parce que Val Kilmer est fabuleux et il y a dedans Val Kilmer a des visions. Et voir Val Kilmer bon, c'est pas facile. Voilà, et il est fabuleux, quoi. Ça, c'est comme Christian Slater avec Patricia Arquette dans True Romance. C'est les seuls films où ils sont bons. Il y en a un, faut les voir. Voilà. Moi je maintiens, c'est quand même un truc musical qui est pas tout le temps, mais dans certains morceaux, qui était vraiment hyper, hyper malin, hyper bien fait. Il y avait une alchimie tous les trois, où tout d'un coup il se passait un truc. Voilà. Alors après, les images de concert qu'on a, c'est le bordel, c'était débauche, entre guillemets. Enfin, c'était le bordel plus. Je suis pas sûr que ce soit des concerts hyper intéressants, tellement c'était le bordel, tellement ils faisaient la provoque, Alors après, évidemment, ils se faisaient charger par les flics. C'est tout un truc épique. Donc finalement, je pense que c'est vraiment un album où ça se savoure dans ces compositions. Pas toutes, mais certaines qui sont vraiment assez magiques. Quoi. Alors oui, je suis un peu d'accord. Il y a eu un live qui est sorti bien après sa mort de je ne sais plus quel concert. C'est pas du tout connu. Enfin, il n'est pas du tout connu pour être intéressant là. Ça a chié parce que déjà là, la captation n'était pas très bonne dans mes souvenirs. Et voilà, mais alors pour le coup des concerts, il faut quand même imaginer à l'époque qu'on est dans les années vraiment fin 60, début 70, c'est quand même aussi les concerts pourris des Stones. Hein. C'est aussi les Beatlemania où tu les entends plus. C'est aussi Jimi Hendrix où ça ressemble plus à rien. Où pendant 10 minutes, il va te faire que de la gratte, et si t'es pas allumé, tu comprends rien ce qui se passe au concert. Ah, c'est un peu c'est la pointe du côté défoncé. Enfin, il y a une partie, voilà. Donc moi je suis pas trop surpris que c'est le style de l'époque, quoi, on va dire. Est-ce que c'est le genre de groupe ou d'artiste à écouter quand on est jeune pour s'initier à la musique, ou il faut attendre un petit peu pour commencer à savourer? Bon, c'est une sacrée bonne question, ça. Non, je pense que vous... attends, depuis quand on a embauché quelqu'un pour écrire des questions à Barberousse? Ah non, c'est fou ça. Il a un rédacteur derrière, c'est ça. Non, par contre je pense que c'est vraiment à remettre dans son époque. Je suis pas sûr que pris comme ça. On parle d'Apocalypse Now. Apocalypse Now sort en 78. Il évoque la guerre du Vietnam en plein des années 70. La musique, elle est parfaitement en adéquation avec cette époque-là. Je sais pas si aujourd'hui ça a un petit goût un peu à l'ancienne. Donc, si tu le prends, à mon avis, sans te remettre un peu dans le contexte de l'époque, à mon avis, ça marche pas. Enfin, je suis moins sûr. Il y a des morceaux qui marchent, mais sinon, après, tu vas pas comprendre tout pourquoi c'est devenu aussi connu, quoi. Je pense. Je pense que il faut l'écouter pour la culture. Quand tu t'intéresses un tout petit peu à la musique, c'est un album, c'est un groupe à écouter, surtout qu'il n'y a pas 10 000 albums, Dieu merci. Donc c'est assez facile du coup d'en faire le tour et de se faire une idée, parce que, comme le disait Laurent, avec la composition de ce groupe, on a un son qui est très très particulier, qui est super riche, qui est très travaillé, et c'est pas très courant malgré tout, parce qu'on évoquait d'autres groupes tout à l'heure, les Beach Boys et tout, plus ou moins de la même génération. Ils ont quand même pas la même qualité musicale, mais ça reste d'autres groupes intéressants. Surtout qu'ils ont vraiment un truc à eux dans tout ce mouvement qui vaut le coup d'être écouté. Je dis pas que tu vas l'aimer, mais que c'est important pour moi de l'avoir en culture. C'est comme en dessin ou en peinture. Dès que tu t'intéresses un peu à la culture picturale de façon ou un peu à l'histoire de l'art, tu regardes le Caravage. Après, tu peux trouver ça un petit peu relou, tous ces portraits de machins, de mecs, de bidules, mais c'est vachement important de le voir et d'appréhender ce qu'il avait techniquement apporté à l'époque. Pour le reste, c'est vrai que t'es pas obligé d'aimer. Mais je pense que ça reste un... Faut essayer, mais c'est un contournable pour tes oreilles, au moins pour ta culture. Mais je maintiens avec pas n'importe comment, quoi. On s'en fout n'importe comment, drogué ou pas, ça passe. Hein. Non, mais t'as intérêt, je maintiens, moi, à être amené à... Enfin, qu'on t'explique un peu, moi je suis toujours convaincu que c'est mieux un peu d'expliquer le contexte, quand même. Pas juste avoir un ressenti, expliquer le contexte quand même. Bah normalement, si t'es intelligent, tu vas voir si tu ressens des trucs. Oui, non mais, tu peux te faire écouter des morceaux très connus, mais après, comme il y a un truc où tu as le mec, quelqu'un ou la personne à qui tu fais écouter ça, va dire ah ouais, je connais, c'est dans tel film. Enfin, j'exagère à peine, mais tu peux avoir cet effet-là, quoi. C'est un peu le défaut actuel. Moi, c'est un peu le défaut que je trouve avec les Doors, c'est qu'au final, les gens le ramènent toujours à un film. Voilà. Parce que c'est donc, vrai qu'il y a un super reprend... bien dans l'équation. Alors, ce qu'a dit Arnaud était intéressant parce que reprendre un album. Et à l'époque, un album, c'est conçu de la première à la dernière chanson. Il y a souvent un sens à l'album, surtout chez ces mecs-là. Ça veut dire que souvent, il y a peut-être pas les premiers, mais les derniers. En tout cas, il y a un sens sur le... tout le premier, le deuxième, le troisième morceau. Il y a une construction qui peut être faite souvent dans les albums comme ça. Donc, c'est à voir comme ça, quoi. Oui, non, c'est vrai. C'est... Alors, on appelle ça des albums concept, maintenant. C'est plus rare. Ah bah, c'était quand même... un peu moins formaté à l'époque. Non, c'est surtout que tu achetais une galette en complète. Tu pouvais pas acheter un petit bout. Voilà, donc tu as des pas tous hein. Attention, ce que je dis pas vrai partout mais effectivement l'album et même les Beatles sur la fin certains Stones de certaines époques tu choisis ta première chanson, elle a un sens par rapport à la troisième, par rapport à la dernière, etc. Tu construis ton album, ça va raconter aussi quelque chose. Le problème, c'est c'est pas aujourd'hui, hein, à un moment ça s'est plus fait. Et puis après, quand tu pioches au fur et à mesure, si maintenant t'achètes pas un album, t'achètes trois chansons de machin et tout, ça a plus de sens quoi. C'est Camille qui avait fait un album qui s'appelait Le Fil, avec une ligne sonore continue sur tous ses morceaux. Une note qui était et qui là, pour le coup, ça valait c'était super intéressant de au moins d'écouter une fois l'album de bout en bout, et dans le bon sens. Pas juste le principe de single qui pourrait rester, qui pourrait sortir comme ça aujourd'hui. Ça existe aussi à l'époque, hein, mais il y a 45 tours. Les Floyd en sont un exemple. Hein, l'album, sur le principe, tu l'écoutes pas dans le désordre. Ça perd de son sens. Et pour une raison simple, à l'époque, pour les vinyles, alors même moi, je suis né après les vinyles, hein, je suis né à l'époque de la cassette. Enfin, j'ai vu les vinyles, mais voilà, ça revient à la mode. Le vinyle, t'as pas le choix de l'écouter. C'est hyper tu zappes pas sur un vinyle, c'est très pénible. De faire 1, 4, 8, 2, 5 pour écouter des chansons sur un vinyle, tu te fais chier. Tu le lances. C'est pour ça que c'est mieux le numérique. Tu le lances et tu files tout le long du truc. Quoi. Tu parlais de génération cassette. Oui. Ça tombe très bien parce que je me souviens d'une piste bien précise de la playlist d'Arnaud qui m'avait légèrement retourné la tête. Oh mon Dieu. Mais je vais mettre un petit truc un peu plus personnel. Vas-y. Parce que je pense qu'il faut revenir à cette époque. Parker Lewis ne perd jamais. Je suis à peu près sûr que vous avez forcément au moins regardé un épisode de Parker Lewis. C'est clair. Ah bah, même plus d'un. Ce kiff. Alors, années 80, chemise fluo pour 90. Oh putain, c'est vrai. 90, ah, il avait les chemises hawaïennes géniales. Coupe pas possible, fluo partout, des pantalons inimaginables. Note pour plus tard. Et surtout, lycée, on fait ce qu'on veut au lycée, on est la bande de potes, il y a les meufs qui tournent autour. Et Alors je pense que moi je regardais ça, j'étais au collège, Arnaud devait être au lycée. Ouais. Non mais voilà, il y a un petit écart non, mais qui fait que le personnage était, moi je le regardais comme une espèce de grand, toi de plus grand que moi, où Arnaud c'était pile le truc. Alors j'ai pas souvenir que t'aies porté des chemises pareilles, encore que... Il paraît qu'il y a des preuves qui n'existent plus. Oui, c'est possible. Il n'y a aucune preuve. Voilà. Dieu merci. Non, enfin, c'était pas tant les chemises que l'état d'esprit. Le style. Non, mais lui, c'est Parker Lewis ne perd jamais, c'est tout, quoi. T'avais le pote rocker qui était sentimental et qui pécho toutes les meufs. Ah oui, il y avait le guide de service absolu et tout, mais qui était quand même bien. Et puis t'avais Kubiak. Oui, t'avais... Tout le reste autour, tu y pouvais faire ce qu'il voulait, t'en avais rien à foutre. Non, c'était. C'est que surtout. Et puis le côté de je me plante en haut du bahut avec mon parasol et puis voilà, quoi. Et je regarde avec tous les autres en dessous faire n'importe quoi. Enfin, il y a. Je sais pas, moi j'aimais bien. Moi j'aimais bien parce que sans m'en rendre compte, je me suis mis aux séries assez vite. Je disais Barbarousse. C'était une série qui était pas du tout réaliste, quoi. Le mec il parle à la caméra, il arrêtait le temps. C'est Malcolm, va-t-on avant. Oui, voilà, mais encore plus starbé parce que l'autre il te sort des glaces de son manteau. Enfin, il y avait tout un tas de trucs. Il se cache dans les casiers. Enfin, il y a. Et puis, enfin, attends, il se cache pas. Il se déplace dans les casiers. Puis Kubiak. Oui. Ils ont une base secrète. Ils se téléportent avec la principale. Le mec, c'est un vampire. Voilà, enfin, il y avait un côté burlesque que moi j'aimais bien, qui était déjà une, déjà un cassage de code des séries du type, voilà, où moi étrangement, je suis, et Arnaud aussi d'ailleurs, je suis pas un Beverly Hills, moi je n'ai jamais regardé Beverly Hills, et quelque part Parker Lewis c'est l'anti Beverly Hills, quoi. C'est une série de lycée mais qui est complètement débile, quoi. Enfin qui est complètement, qui... C'est même plus que ça, pour moi ce qui était un truc, une autre série d'époque que toi par contre t'aimais et que moi j'aimais pas, c'était Sauvé par le Gong. C'était plus sérieux, il y avait un peu... Ah non. Ça c'était... Une... Moi, j'aimais pas du tout. C'était Parker Lewis, c'était l'anti Sauvé par le Gong. Alors, parce que il se prenait jamais la tête. Il faisait jamais. Enfin, il y avait aucune. Les meufs, elles passaient. Elles étaient. Parker avait une copine qui était mignonne comme tout, qui le menait par le bout du nez. Oui, mais il le savait. Et il y avait un coup. Comme tu disais, il rompait le quatrième mur exprès pour discuter avec nous par rapport à elle à chaque fois qu'elle le menait par le bout du nez. Enfin, non, c'est horrible, Sauvé par le Gong. Sauvé par le Gong, Zach. À part Kelly, tout le reste était à chier. Zach faisait aussi ça. Il arrêtait le temps aussi. Il n'avait pas de talent. Il cassait le quatrième mur. Par contre, c'était une série qui était globalement plus réaliste, bizarrement, même malgré ces petits trucs-là, dans le sens où tous les personnages. Il y avait une forme de réalisme dans Sauvé par le Gong, une forme, on va être gentil, il y avait pas le côté Koubiak qui arrive, qui fait trembler les murs. Il y avait des rires enregistrés. Oui, c'est une sitcom, complètement. Parker Lewis, c'était pas le cas, c'est vrai. Que... Alors si, il y avait des rires enregistrés des fois, et Parker Lewis les coupait. Oui. Non, mais sinon... C'est le monstre, c'est... Non, arrêtez les rires. Voilà. Il disait non, c'est pas là. C'est vrai que c'était une série beaucoup plus... comme sera aujourd'hui, je pense, même si j'ai pas tout vu, les communities, des trucs comme ça, des trucs vraiment où... Dans le sens où, je te dis, à partir du moment où le personnage, il fait des trucs... voilà, je maintiens, l'autre, il sort des glaces toutes prêtes, des sorbets tout prêts de son manteau. Bon, ça, voilà, il y a un moment où ça n'a plus aucun... Enfin... C'est fait exprès d'avoir plus de sens. L'autre, il sort sa guitare de sa poche. Enfin, il y a des tas de trucs. Comme tu dis, il y avait l'adjoint de la principale qui dormait les pieds en l'air. L'autre, elle cassait les vitres avec son pouce, quand même. Hein. Elle levait le pouce pour les éjecter. Il y a des moments, elle levait le pouce et virer. Enfin, voilà. Oui, en ça, Sauvé par le Gong, c'est une série plus sérieuse, un peu, hein, quand même. Hein. C'est pas Beverly Hills. On a trois séries. Beverly Hills, ça se prend complètement au sérieux. Mais c'était pas le même public non plus, parce que là, on était dans un autre type de prod. Hein. Il y avait des vrais décors, c'était tourné en extérieur. Oui, là, c'était... Parker Lewis, c'était tourné en extérieur. Pour le coup. Non, mais Beverly Hills, c'est des soaps. C'est Santa Barbara pour les teenagers. Mais sinon, c'est des soaps de la même manière. Là, on est plus dans des séries un peu burlesques quand même. On est dans la sitcom pour Sauvé par le Gong, avec les défauts de la sitcom, les rires enregistrés, les situations, les machins, les trucs. Et Parker Lewis a mené un truc que nous, déjà qu'en France, on n'était pas prêt d'avoir à l'époque, évidemment. Puis même qu'en série américaine, on avait peu vu, quoi. Finalement, il y a très peu de séries aussi starbées que ça, quoi. Mais c'était... on va peut-être en finir avec, parce que... c'était le morceau de la playlist, on peut taper longtemps dessus. Pardon. Johnny Larnac. mais ça, il y avait un truc qui était vraiment génial, c'est le décalage, Si tu veux, il y a un truc de complètement ouf. Tu dis, il sortait de la bouffe, il sortait des ordinateurs, il sortait un téléphone, il sortait n'importe quoi de son blouson. Il y a même un épisode complet sur où est passé son blouson. Oui, parce qu'à un moment, on lui enlève son blouson. Ouais. Parce qu'on lui enlève son blouson. Et le truc, c'est qu'il en a d'autres. Il a d'autres trucs dont il sort d'autres trucs des poches. Et il y a son père, je crois, qui apparaît, qui a un manteau où il sort des trucs des poches de ouf. Oui, les parents n'étaient pas mûrs. Ils étaient un peu starbés. Il y avait un vrai décalage, mais jamais ils prenaient les gens pour des cons en face. C'est un des trucs qui m'a plus frappé avec Sauvé par le Gong, c'est que Screech, là, ou je sais plus comment il s'appelait, finalement, il est à la fois le copain et aussi le souffre-douleur des quatre beaux gosses, beaux trucs, et c'est un truc qui m'a toujours chiffonné dans cette série parce que. C'était plus. Il n'y avait pas besoin, d'un faire-valoir de cette manière-là, d'avoir le loser de service, le nerd geek à deux balles, et c'est un des trucs qui m'a toujours plus chiffonné, c'est qu'au final, sous prétexte de se faire un peu un décalage, même un pseudo-décalage en mettant toutes les ethnies dans les personnages, bah finalement, ils oubliaient quand même pas de taper sur le petit blanc à la con de service. Oui, et ça oui, m'a toujours chiffonné. Bon, c'était une époque. Moi, je reste plus... J'ai un rapport très nostalgique à Sauvé par le Gong, parce que moi, c'est une série que je regardais, qui me plaisait, voilà, où ça marchait. C'était l'histoire de collège, au moment où moi j'y étais. Enfin, nous, on rêvait d'avoir des casiers, des trucs comme ça. Si vous trouvez Laurent ridicule, votez pour Arnaud. Voilà, c'est ça. Votez pour Arnaud. Mais évidemment, à la revoyure aujourd'hui, j'ai gagné la première saison de Sauvé par le Gong. C'est moins sympa à regarder que je pourrais regarder Sauvé par Parker Lewis, parce que c'était drôle, parce que voilà. C'est exactement comme ce qu'on disait tout à l'heure avec les Doors, c'est que Il y a une pour les Doors, il y a souvent besoin d'une contextualisation. Sauvé par le gong, honnêtement, à part le style qui peut être daté, tu peux le rebalancer maintenant. Je veux dire, toutes les conneries marchent parce qu'elles sont burlesques, parce qu'elles sont déconnantes, elles sont hors contexte. Tu peux pas regarder Sauvé par le gong parce que tu vois série d'ado à la con. Mais tu vois que c'est une série des années 90, quoi. Non seulement tu t'habillerais pas comme ça, déjà. Si t'es un ado de l'époque de nos jours, mais en plus tu trouverais leur fonctionnement ridicule. Comme ça se prend, ridicule. Comme il y a des parties qui se prennent un peu au sérieux, et je dis ça de manière toute relative, mais tu vois que c'est une série des années 90. Quand t'as des séries un peu burlesques comme ça, elles restent un peu plus hors du temps que le reste. Je soupçonne honnêtement qu'une série comme Big Bang Theory sera regardable d'ici 4-5 ans. Un regardable. Oui, elle est déjà un regardable. Oui, alors moi je suis d'accord. On va peut-être pas partir là-dessus parce que je vais encore faire deux heures. Je pense que c'est une série regardable parce que c'est des geeks, entre guillemets, des années 2010, sûrement pas d'avant. Si tu veux, dans 10 ans, je suis d'accord. Ans, ce sera plus les mêmes. Je suis d'accord dans le sens où la série va vieillir très mal. Elle est trop ancrée, trop complètement dans son temps, et quand tu la sors de son temps, elle perd la moitié de son intérêt. Je suis d'accord. Et puis cette relation avec sa sœur, c'était génial, les coups de pute en permanence. Ah bah oui, Parker, quel chien d'abord. Et puis quel Parker, baline. C'était un mec cool. Ses parents avaient un vidéoclub. Bah oui. Ça, c'est la classe. Bon, ils étaient un peu starbés, ses parents, quand même. Les films, il passait son temps à faire des références. Souvent, ouais. Non, c'est vrai que c'est... C'est une époque. D'ailleurs, la première saison est sortie en DVD par la même boîte qui a sorti l'intégrale des DVD de Malcolm. Profitez-en. C'est vraiment bien. Ouais. C'est Elephant ? Non, c'est pas Shawshank Film. D'ailleurs, j'y pense tout le temps. Sauvé par le gong, très souvent. À Parker Lewis. À Parker Lewis, pardon. Parce que. J'étais en train de revisualiser parce qu'il se trouve que sur le site de mes vacances actuel, il existe encore un loueur de DVD. Mais un loueur avec des films. Il a Mad Max Fury Road dans une. C'est la province. C'est la province. Et si tu veux, et ça me sidère toujours autant. Et pour moi, je fais vidéo club, un, ma propre jeunesse, et deux, Parker Lewis. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est... Et pour vous donner, ils doivent quand même être un petit peu mal parce qu'ils se sont mis à faire des clés maintenant, et ils font aussi un DVD loué, le deuxième gratuit. Donc je pense que ça sent quand même un peu la fin là. Ouais, c'est un peu moins de sens, je trouve. Mais l'année dernière encore, ils n'avaient pas ça. Enfin voilà, donc c'est super rigolo. Au final, c'est un peu votre époque lycée, lycée ou collège, ce truc ? Ou c'est vraiment resté... Complètement, ouais. C'est une grosse... Moi, je suis tombé dans la télévision hyper violemment. Moi, j'étais un gros addict de télé, 12, 13, 14 ans. Et j'ai très vite lâché les dessins animés pour me mettre aux séries. Pas aux séries, je regardais pas des séries hyper violentes. Enfin, je regardais des séries, mais je préférais regarder des séries que regarder des dessins animés assez vite. Et ben, Bruce qui vient de faire un anéantissement, c'est rien, non, tout va bien. Tout. Votez Arnaud. Vilain. Ma préférence est déjà depuis le départ. Bon. Tu ne peux pas lutter. Quel enfoiré. Ouais, enchaîne. Alors cette fois-ci, on va aller du côté de la France. Surtout un grand monsieur, je trouve. Mais pas forcément chanteur. Extrêmement assis dans son époque. Jean-Yann, alléluia garanti. Aux apôtres, suivez-moi, marchez sur l'eau sans se mouiller les uns les autres. Les voilà qui suivent aussitôt. Jésus-Christ a donc ses comiques, inventé le ski nautique. Alléluia, alléluia. Ah, il avait quelque chose. Hein. Alléluia. Parce que c'est quelle époque ça ? 70. Je crois que c'était pour Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Ah oui. Très 70, c'est un talent d'écriture, ce mec. Ah, moi, j'ai pas découvert ça tout de suite, moi. J'ai dû courir Jean-Yann, moi, quand il passait aux grosses. Quand les grosses têtes repassaient des trucs où il était là. Parce qu'il a été longtemps aux grosses têtes, de manière assez efficace, avec Martin. Oh, il était formidable. Montluçon. Il est. Alors, le seul truc qui m'a profondément marqué, écrit par Jean-Yann, mais je l'ai su bien après, c'est 2h15 avant Jésus-Christ. Mais il joue dedans en plus. Mais oui, effectivement, il joue le. Alors c'est pas Bénur Marcel parce que c'est Coluche. Il joue le garagiste. Le charagiste. Qui accueille Bénur Marcel. Le charagiste, voilà. Charagiste. Mais non, le conducteur de taxi. C'est Bénur Marcel qui est charagiste. Ouais. Ah oui, oui. Voilà. C'est ça. Je trouvais ça d'une d'une puissance humoristique, d'un truc décalé, je trouve, avec, que j'ai retrouvé dans des films américains un peu plus tard, type Les As, mais je trouve qu'il y avait tout ça dans 2h moins le quart avant Jésus-Christ, quoi. Le Zitrone qui commente la naissance de Jésus, Coluche qui dit à la fin, écoutez, je vois pas ce que ça fait qu'un mec soit né dans une étable à Bethléem un 25 décembre. Ça n'a pas changé la face du monde. Ça n'a pas changé. Bon. Il y avait une puissance d'écriture, mais que j'ai découvert après, moi, dans le côté écriture. C'est... Je connais pas tout. Il y a des trucs que j'accroche un peu moins, moi, à mon avis, quand même. Il y a peut-être des choses plus compliquées que seulement juste le côté rigolo. Quand on revoit dans ces sketchs comme les camionneurs, ou le permis de conduire, ou alors la circulation en latin qui a lancé plus tard 2h moins le quart avant Jésus-Christ, il y avait une inventivité, il y avait quelque chose. C'est plus facile d'accès que ce qu'il a pu sortir après dans ses films que j'ai regardé étant plus jeune, qui sont vraiment ancrés dans leur époque, et surtout je pense. Cynisme et l'acidité est pas aussi facile à prendre en main que maintenant. Elle est pas facile à prendre en main, je pense, parce qu'elle correspond strictement pour le coup à l'époque. Le cynisme ou l'acidité, c'est toujours en référence à un contexte. Donc là, tu peux pas le faire. Enfin, tu peux pas. C'est difficile 20 ou 30 ans après, parce que oui, même 40 ans maintenant. Putain, on est jeune. 40 ans après, de bien ressaisir toutes les subtilités. Moi, ce que j'aime et ce que finalement j'ai beaucoup retenu de Jean-Yves, c'est comme tu dis, c'est ces sketchs. C'est moi, les camionneurs, mais ils ont en plus même une rythmique dans leur élocution, truc. C'est génial. Et 2h moins le quart avant Jésus-Christ, je suis pareil. Alors le tout, tu vois, ça peut pas bien vieillir parce que les gens qui disparaissent entre temps, et du coup on s'en souvient plus. Tu montes ça à un gamin de 15 ans maintenant, Léon Zitrone, il sait pas qui c'est, il comprend même pas la séquence. Alors j'ai fait le même, tu vois, pour faire la. Honnêtement, c'est super malin, c'est super bien écrit. Ok, c'est cheap parce qu'il n'y a aucun budget, mais. Les chars en carton qui bougent en caoutchouc, merde. Ouais, voilà. Tout disparaît pas, il y a plein de choses. Je vais faire un parallèle, moi, j'ai vu. Contre la scène de la discothèque gay, ça fonctionne pas. Oui, ah, mais César, il est formidable. Vous en êtes. J'ai vu cet été avec un copain et c'est son fils qui rentre en 6e, donc il doit avoir 11-12 ans. Astérix, émission Cléopâtre. De Chabat, qui nous a été un truc culte, voilà. Je m'aperçois qu'il y a plein de trucs qui ne marchent plus du tout parce qu'il y a des têtes qui étaient les têtes de télé de l'époque, il y a des références à Royal Canin, il y a tout un gag autour d'Itinéris que son fils n'a pas compris, non. Oui. Ça n'existe plus, Itinéris. Donc, donc, de un peu de la même manière, il y a, effectivement, comme tu dis, la fin avec Léon Zitrone, le voir un mec qui commente le match. Nous, ça nous fait rigoler, et encore même nous, c'est déjà pas notre époque, mais de voir Zitrone commenter, vu qu'on savait qu'il a commenté le tiercé, qu'il a commenté les couronnements de la reine d'Angleterre, un tas de trucs. Donc de le voir commenter ça, c'est un truc drôle sur le Léon Zitrone qui, quand tu sais pas qui c'est, tu vois que c'est un journaliste avec des lunettes qui. Enfin voilà. C'est plus que ça, il faut savoir qui c'est. Comme tu dis, il faut savoir, un, qu'il a commenté à la fois du dada et surtout. Tous les trucs royaux, parce que quand il enchaîne en disant « Et César est habillé par machin avec une grande toche bidule », c'est ce qu'il faisait pour le mariage de la reine d'Angleterre. Voilà. Et il y a un beau parallèle à faire, déjà qu'on faisait avec Parker Lewis par rapport au burlesque, qui est que là, on peut aussi... Ça va malheureusement, il faut être honnête, mal vieillir par rapport à une question de génération. Ce qui ne se passe pas, par exemple, avec les Monty Python. Pourquoi ? Je précise bien parce que soit tu rentres dans leur univers, soit tu rentres pas. Alors après, les Monty Python, si ça marche ou pas, point la ligne. C'est du dichotomique, il n'y a pas de gris, c'est ou t'aimes ou t'aimes pas. Mais ça peut vieillir beaucoup plus facilement parce que c'est beaucoup moins référencé. Par contre, c'est beaucoup plus barré. Alors ça dépend, oui. Alors moi, je suis étonné parce qu'ils ont. Je ne sais pas quand sera diffusée l'émission, après-demain évidemment. Oui, bien sûr. Vous savez que Barberousse. À fond. Barberousse, comment on dit, diffuse hyper vite. C'est le flash des podcasteurs. Bien fait. Sûr, oui. Arte a rediffusé La Vie de Brian. Arte a rediffusé La Vie de Brian. Moi, j'ai revu La Vie de Brian. Il y a des trucs qui me font pas rire. Il y a des trucs où. Ah, mais t'as aucun humour. Non, il y a des trucs. Commando Suicide est tellement bien. Alors, il y a des trucs géniaux. Il y a des trucs sur les accents ou sur la. Il y a des trucs anglais où c'est long, quoi. Il y a des petits machins où de temps en temps tu dis ouais, ok, j'ai compris, mais là, ça. Voilà. Il y a des trucs géniaux. Mais c'est hein. Anglais. Il y a des trucs complètement géniaux. Je pense que Sacré Graal supporte mieux les années. J'ai l'impression, moi. Mais voilà. Moi, après, le problème de Jean-Yann, c'est qu'il y a un côté, moi, que j'aime bien dans le côté un peu. pas trash, mais un petit peu caustique et tout. Sauf que très vite, moi, j'ai aussi découvert Des Proges et je préfère le style un peu ampoulé et un peu littéraire de Des Proges à ce que faisait Jean-Yann, même s'il y a plein de trucs. Jean-Yann a fait une chanson qui s'appelle « Rock, c'est détestable ». J'aime pas le rock. Voilà. Bon, c'est mignon, mais voilà, c'est de temps en temps, je trouve que ça me parlait un peu moins. Je trouvais ça un peu pas facile, mais voilà. Après, c'était un mec qui avait une culture assez phénoménale, qui a écrit des trucs, je crois qu'il a écrit... faut trouver ses petits bouquins. Mais je trouve qu'il n'y a pas le côté, ça va faire plaisir à Walter, complètement burlesque d'un Francis Blanche, Pierre Dac, où là, c'était vraiment complètement... c'était autre chose, quoi. Mais survivent, au final, ils survivent mieux, ces deux-là. Eh ben ouais, c'est plus facilement réécoutable. Alors, tellement c'est n'importe quoi, hein, tellement les mecs, ils sont perchés dans le truc... que Jean-Yann, qui effectivement est une fois plus trop lié, enfin, ce qui est normal, hein, qui est très lié à son époque et qui du coup, bah, ça perd un petit peu avec les années, ça perd un petit peu. J'ai lu le Des Proges, moi évidemment, il y a des trucs de Des Proges, il fait des références maintenant qui marchent plus du tout. Hein, donc Louis le Prince Ringuet, ça parle à personne. Il y a forcément quand tu fais de l'humour quotidien lié à ton environnement politique, social. Bah, les trucs qui passent pas les années, quoi. Mais la question n'est pas forcément de passer les années. Là, deux ans moins de quart, c'est une parodie. Quand tu reprends les Monty Python, c'est de l'humour pur. C'est une parodie, entre guillemets, certes, d'une légende. C'est quand même beaucoup plus loin que nous. Oui, mais après, il y a des choses très... À mon avis, après, l'humour anglais, de toute façon, reste un humour très différent d'une autre. Comme chaque humour. L'humour est le truc le plus qui divise le plus dans les cultures parce que voilà, ce qui nous fait rire va pas faire rire les Américains, ce qui fait rire les Américains nous fait pas rire forcément, et les Anglais, etc. Et les Anglais, malgré la proximité toute relative, hein, mais des Anglais, il y a un tas de trucs de l'humour anglais où il y a des trucs que j'adore, des Monty Python, hein, Poisson de Mémanda continue à me faire rire et continuera à me faire rire très longtemps parce que c'est quand même très puissant. Il y a des trucs dans les émissions des Monty Python, des fois je trouve ça long. Voilà, ça m'amuse. Putain, les Anglais, c'est quand même des gens qui pensent que des poubelles retournées avec trois canons laser sont des méchants. Oui, mais c'est Doctor Who, ça n'a complètement rien à voir. Mais commence pas à partir là-dessus. Voilà. Mais c'est vous qui me cherchez, vous parlez d'anglais. Est-ce que vous trouvez que, je vais prendre au pif, hein, Spaceballs, Sacré Romain des Bois, des films comme ça de Mel Brooks, ils vieillissent mieux? Je sais, je suis pas sûr. Hein. Alors, Sacré Robin des Bois, pour l'avoir vu récemment, je trouve que ça vieillit pas top. Après, Mel Brooks, il y a des bons et des pas bons. Hein. Je pense Spaceball vieillit plutôt bien, mais alors, est-ce que c'est moi qui ai une plus grosse culture de science-fiction et un grand amour pour Star Wars, ce qui fait que je suis beaucoup plus sensible à toutes ces conneries? Bah oui, parce que les blagues sur Jabba, ça te fera rire toujours. Voilà. Une pizza de Jabba, ça m'éclate toujours autant. Par contre, c'est vrai que le Robin des Bois, non. Et alors, le pire, qui déjà à l'époque était naze, il y en avait fait un avec Leslie Nielsen qui s'appelait Sacré Vampire. Ça me dirait. Ah oui, non, Dracula est mort et hurlette, je crois. Voilà, c'était une horreur déjà à l'époque. C'est encore pire maintenant. Ça, c'est un pur nanar, pour le coup. C'est tellement mauvais que tu finis par rire, mais juste du niveau abyssal où ça descend. Bah, Mel Brooks, il a ses bonnes années et ses moins bonnes années. Hein. C'est pas tout non, bon. Pour tout moi, bon. Il s'est quand même arrêté avec La Folle Histoire du Monde. C'est quand même le mec qui a fait Les Producteurs. Ah, mais c'est bien, Les Producteurs. Ah bah oui. Mais pareil, je pense que Les Producteurs, alors moi je me souviens pas bien, mais Les Producteurs, si t'as pas des certains codes de Broadway, c'est pas drôle. Enfin, là, on a une fois plus un truc. Arnaud parlait de Spaceball, ça marche parce que la culture Star Wars, elle est quand même partagée par beaucoup. La culture vampire va l'être déjà un peu moins, la culture Robin des Bois, certainement un peu moins. Et la culture de Broadway qui caricature dans Les Producteurs. Springtime of Hitler, merde quoi. Bah oui, j'adore. Ça c'est classe. Oui, sauf qu'en plus, quand tu sais que le milieu de Broadway, c'est un milieu de juifs new-yorkais, c'est encore plus drôle, quoi. Voilà, quand tu sais que la majeure partie, enfin, il y a beaucoup de gens issus de Broadway qui ont fait les comédies musicales de Broadway dans les années 40-50 qui sont juifs, bah là, le mec qui fait Springtime for Hitler, alors évidemment, ça reste irrésistible de voir les SS en tutu. Ça reste complètement azimuté, donc ça marche quand même, mais voilà. C'est quand même pas un film, à mon avis, qui passerait facilement de nos jours. Hein. Bah, il est pas vieux, hein, le remake, c'est... Il y a... Comment il s'appelle ce... Non, je sais bien, mais je pense que... 2004, comment il s'appelle ce petit jeune, là, qui est rigolo, qui dit que... C'est pas Matthew Modine, c'est... Non. C'est... non, je sais plus. Enfin, c'est un jeune acteur... voilà, je crois que c'est Matthew Modine, mais je suis pas sûr. Qui était dedans, donc c'est plutôt rigolo. Bon, on va continuer dans cette époque. Enfin, dans une autre époque. Oh, quoique, c'est un truc plus récent, mais qui fait appel à du vieux. Oh, c'est compliqué. Je voulais continuer dans les années 80. J'ai failli mettre la bande originale de Hotline Miami. Mais non, il fallait que j'en revienne sur du film. Ce que j'en manque depuis le début, c'est Laurent qui parle le plus de films. Comment ça se fait? Ah bah là, ça va encore mal partir. C'est ouais. Drive, ça. C'est Kavinsky. Ouais. C'est une catastrophe, ça. Ah. C'est le Alors, historiquement, c'est quand même le premier broclage, je crois. Oui, c'est le premier broclage qu'on avait fait sur Drive. Oh mon Dieu, je vous déconseille... que ce serait un hasard. Oh là là là là. Que je vous déconseille d'écouter. Non, il est très bien. C'est simplement, il est un peu panoramisé. C'est-à-dire qu'il y a un des frères qui est à gauche, l'autre à droite. C'est un peu difficile à écouter, m'a-t-on dit. Moi, j'aimais bien. Je trouvais ça rigolo. Je cherchais à l'époque. Le truc, c'est que je sais pas si c'est du 80 ou si c'est du copier de 80. C'est juste de la merde. Non, mais Kavinsky pas. Non. Le mec, la première chose qu'il fait, c'est il te fait un sample entre le son des 80 avec celui des Daft Punk. Les Daft Punk, ils avaient déjà remixé les années 80 avec talent. Avec Discovery. Il fait juste un truc de... Non, ça, de quoi, ça marche bien. Ce qui est compliqué, c'est que ça... Non, ça marche pas. Ça marche avec le film, mais ça marche pas en dehors du film. J'ai jamais compris la hype autour de l'album seul. Ça fonctionne avec le film parce que ça rentre dans l'univers graphique après le film et ce qu'il est. Mais tout seul, regarde. Écoute, ça... Il n'y a pas d'âme là-dedans. Bah, le problème, c'est que ça fait. Il y a Bruno Mars qui avait sorti un album. C'est des gens sans âme. Qui a cartonné et qui reprenait plein de styles différents, mais ça faisait pastiche. Alors, à un moment, tu te dis, ok, c'est bien. Je vois. T'as bien compris les synthés, le machin, le vocodeur, le tatou. T'as tout ce qu'il faut pour faire du 80. Sauf que tu le fais maintenant, donc c'est un peu facile parce que tu regardes ce qui a été fait. Voilà. Les Daft Punk avaient donc fait... t'as pas de talent. Les Daft Punk avaient fait Discovery, c'est vrai qu'ils sonnaient un peu 80, mais ils avaient leurs pattes aussi, donc. Attends, ils samplent du 80 et ils font leur univers. Lui, il fait pas son univers, il copie. C'est la même défaut de créativité qu'on a actuellement dans beaucoup de productions américaines qui font que des remakes du reboot. Je pense. Pour moi, c'est la même chose, mais en musique, c'est une catastrophe. Ce truc, c'est. Je dis pas Stranger Things. Je dis juste que c'est chiant. Ah, ne me lance pas sur Stranger Things parce que je suis plus de l'avis d'un certain John Plisken du Daily Mars que de The Hype qui est autour. Mais quel hype? J'ai pas envie d'être au bout de la série. Je vais terminer ce week-end. Alors, l'hype est techniquement justifié. Techniquement. Après, je comprends pas. Moi, je suis désolé, j'en suis à 6. J'ai l'impression à chaque épisode de voir un remake d'un film. Exactement. Que j'ai déjà vu. Poltergeist. Il paraît que c'est Poltergeist à mort. Ah, pas que, il y a aussi The Sing, mais il y a aussi du. C'est toute la question. Alors, John Plisken sur le point pop, pour le citer, et s'est fait démonter en plus allègrement, mais bon, par les fans de la série, mais maintenant c'est très compliqué de. Voilà. Le truc, c'est de dire. Et la question pour Kavinsky peut se poser je fais du 80, quel est mon but? Est-ce que c'est juste parce que ça me fait marrer, parce que moi c'est ce que j'écoutais quand j'étais jeune et que c'est rigolo que je fais du 80, youpi. Que ce soit en musique ou Stranger Things où le mec te dit ouais, on aime trop les films de les années 80, donc on fait pareil. Bah oui, mais est-ce que t'as un truc à raconter en plus? Est-ce que ton 80 il a un truc? Alors, je vais me tirer dans le pied tout de suite, hein. J'aime Super 8, voilà, de J.J. Abrams, qui est un film profondément ancré dans les années 80, sauf que Super 8 il est produit par Steven Spielberg. Donc ça lui donne une caution. Après, je suis d'accord, ça n'apporte encore que si, parce que je trouve qu'il fait du Abrams quelque part. Donc il fait du Abrams où lui, c'était son film, c'est une espèce de truc où il a expulsé tous ses plaisirs d'enfant. Il l'a fait. Alors là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi parce que il a pas tourné en boucle. J'aime pas Super 8. On a déjà parlé d'ailleurs. Je l'aime pas. Mais au moins, voilà, Abrams comme des Daft Punk. Ils prennent les choses, ils y mettent leurs pattes. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui me chiffonne dans le Super 8, c'est que tu peux pas dire que tu fais un film hommage au film des années 80 en faisant un film aussi violent. Oui. Et un film qui finit aussi bizarrement. Ça, pour moi, c'est incompatible avec l'esprit popcorn des films type Les Goonies et tout ça. Ce que font les Daft Punk, comme je dis, ils samplent, ils mettent leurs pattes, ils glissent leur univers. Et ça, c'est génial. Là, il y a un truc fort. Lui, là, c'est juste du suçage de glaçons réchauffés. Ah, moi, je connais pas bien l'ensemble de. D'abord, je sais même pas ce que c'est, si c'est un groupe, si c'est quoi que ce soit et tout. Mais c'est vrai qu'il y a. Il en a fait un deuxième dans le même style. Il y a eu une grosse période très 80 où. Tout qui est toujours, et Stranger Things, ça en est un. Je pense qu'on arrive au bout, mais un remake de Ghostbusters, c'est ça. Enfin, voilà, on se tape. Je rappelle qu'on va avoir MacGyver sur les écrans bientôt. Oh mon Dieu, non. On va en chier des bulles. Hein. Vu le trailer, ça va être très très vilain. MacGyver, il faut que vous regardiez la première bande-annonce qui est sortie au Upfront. Et celle qui est sortie avant-hier. Ils ont un peu changé le style, c'est ça ? Ah, mais ils ont surtout retourné tout d'un pilote. Ah non, non, vraiment, Laurent. Il n'y a même plus le même casting. À part MacGyver et le mec qui sort de Prison Break, là. Lequel ? Warren Miller ou... Je ne sais plus, il y en a un des deux. Dominic West, je ne sais plus lequel. Voilà, c'est ça. Enfin, un des deux. Et bien, à part eux deux, tout le reste a changé. Maintenant, MacGyver, comme ça ressemble plus à c'est matiné entre agence tout risque, un petit peu de MacGyver quand même, parce qu'il utilise du gaffer, enfin du duct tape. Et puis voilà. Et c'est sûr, ça ressemble, le casting ressemble plus à un agence tout risque, parce que tu as le boss, la hackeuse, le costaud. Mais c'est insupportable. Oui, Alors attendez les gars, remettez les tout premiers épisodes de MacGyver, il avait une gueule à se taper des claques dans les cours de récré. Non, il avait la gueule de l'époque, tout le monde avait le mulet hein, pour faire la classe hein, à l'époque. Hein. Il avait la tête du hockeyeur de con qui était premier de la classe. En plus, d'ailleurs, il n'est pas un peu canadien MacGyver, je suis en train de dire. Si, il est canadien. C'est ça. Quoi, Richard Dean Anderson ? Non, le personnage est canadien. Comme peut-être Richard Dean Anderson, non, Anderson doit être américain, mais il me semble, voilà. Non, mais voilà, donc finalement, la hype 80... Après, moi, j'avoue que je supporte. Il y a un tas de trucs que j'aime bien, donc. Mais alors que c'est pas du tout mon adolescence, hein, du tout. Moi, c'est 10 ans après. C'est de la merde. Mais moi, j'aime bien. Il y a un petit côté, écouter des vieux d'Indochine. Oh mon Dieu. Voilà. Voter Arnaud. Non, mais c'est ta Canary Bay. voilà. Donc, moi, il y a des trucs. Et moi, Kandinsky me gêne pas. Alors après, j'ai pas encore vu Stranger Things. Je vais y aller. Je vais peut-être aimer. Hein, j'en sais rien. C'est possible. Mais faut pas en abuser quoi. C'est un truc où je pense que c'est important d'avoir faut avoir quelque chose à raconter sur cette époque-là ou avoir, enfin voilà, c'est assez limite ce truc-là. Ça va 5 minutes, tu vois, c'est assez limite. Dans la même logique, j'ai pas encore vu, mais le nouveau Ghostbuster, ils ont au moins fait un parti pris dans la direction artistique qui s'éloigne vraiment des années 80 pour le coup. Ah bah esthétiquement, ça a l'air vilain. Alors, je dis pas que c'est réussi, hein. Mais ils ont pris un parti pris super ultra flashy comme on peut le faire maintenant avec des trucs ultra pop qui n'étaient pas du tout le style vraiment du Ghostbuster des années 80. Donc ils ont fait un vrai choix de traitement. Pour les années 80. Réussi ou pas. Voilà. Mais voilà quoi. Il y a un truc qui vaut vraiment. Je l'ai pas encore vu, mais c'est vraiment un truc qui me donne envie de le voir. Beaucoup plus que d'ailleurs toutes les critiques, pour vraiment ce traitement, parce que là, je me demande si on n'a pas réussi, s'il y a quand même pas un truc qui est réussi dans le film, c'est le redécalage dans l'époque. Peut-être. Après, si vous intéressez au SOS Fantôme des années 80, Split Screen vient de sortir un très bon podcast qui raconte un peu, enfin vous connaissez Split Screen, allez écouter, c'est très bien. Exactement. Et on va arrêter sur les années 80, parce qu'on va pas être content avec Stranger Things. Faut que tu regardes, faut que tu te fasses ton avis. Mais je suis en fait, je suis de l'avis d'Arnaud. Je sais pas comment. Ouais, mais t'es vendu. Non, c'est un homme de goût. Non, t'es vendu. Il votait Arnaud. Et pas cher. Tu connais pas mon prix. Non. Bon, j'ai remarqué que dans la playlist d'Arnaud, t'avais un film d'animation. Ouais. Mais pas du tout. Attends. Dans la tienne. Alors là, je vais vous proposer Nujabes dans la bande originale de Samurai Champloo, avec Mist Line. Putain, alors moi, j'ai pas vu. Samurai Champloo. Wikipédia ? C'est pas un samouraï avec la coupe afro ? Ça, c'est afro-samouraï. Alors, même si vous connaissez pas, c'est pas grave, c'est qu'on va changer complètement de style, un peu plus tranquille. Ah, si. Pas d'animation du tout. Oui. Ouais. Chez moi. Bah, pourtant, il y a des grands thèmes qui m'ont plu. Moi, j'aime beaucoup Miyazaki. Et pas de série. Moi, je dois avouer que j'ai... Il y a des musiques... tu parles de série d'animation ou de film avec. Mais genre, j'ai remarqué que dans ta playlist, tu n'avais pas de film d'animation. Arnaud était le seul à m'en avoir donné. Non. Ah, il a donné Akira, qui est un hyper chef-d'œuvre, qui est un hyper classique, que je partage un peu, mais pas à ce point-là, même si le film m'a beaucoup plu. J'aurais pu mettre un thème de... T'aurais pu mettre de l'animation à la place de Paul Naref, quoi. Oh non, mais... J'aurais pu mettre un thème de... Le Château Ambulant, qui est un film que j'aime beaucoup, qui a un thème absolument mélancolique, très joli. D'animation, je... Pas client, c'est pas ton truc. Non, pas beaucoup. par les trucs que j'avais les petits, sinon effectivement aujourd'hui j'ai eu du mal. Qu'est-ce que j'ai... si j'ai vu des trucs mais qui m'ont pas marqué musicalement dans ce cadre-là. J'ai quelques exemples mais en série d'animation, c'est pas mon c'est pas du tout moi, c'est pas un truc non. Le film d'animation, moi je suis très Pixar. Mais pareil dans les BO bah c'est Giacchino un peu sur pas mal. C'est bizarre. Après, j'ai bouffé du Disney un certain temps, j'en mange encore. Il y a des choses du Disney qui m'ont marqué aussi, mais il y a un moment où j'ai un peu saturé. Alors voilà, j'y reviens. Moi, le Bossu de Notre-Dame est un Disney qui m'a beaucoup plu, hein, qui me touchait à l'époque. Il y a des classiques de Disney que j'aime bien. Mais même si je regarde ma collection de choses que je regarde régulièrement et tout. Je suis pas un gros fan d'animation et en animation japonaise, et pourtant j'ai fréquenté des gros cinglés d'animation japonaise. Tu peux citer le nom des podcasts si tu veux, je pense qu'on les connaît tous. Oui, alors après, moi j'ai fréquenté les mecs de Yata qui étaient des grands amateurs de podcasts qui n'existent plus. Je fréquentais Alpo, qui existe encore, Alpo, il va bien, mais vous inquiétez pas. Qui étaient des grands amateurs d'animation japonaise. Le wouzou du podcast passe par Laurent Doucet. Voilà. Alors par contre, ce que je trouve génial dans l'animation japonaise, c'est que tu peux tout voir, tout traiter, tous les thèmes, tous les trucs. J'avais suivi Claymore à une petite période, c'était une espèce de démon, semi-démon sorcier, où c'était hyper violent, ça peut être hyper cucu, t'as Fruit Basket qui est le shoujo à ultime. Donc voilà, je connais des trucs, mais sur des thèmes musicaux qui m'aient marqué, non, pas vraiment, à vrai dire. Non, Bah, c'est dommage que Arnaud ne connaisse pas celui-là Si, du coup, mais je l'avais pas reconnu. Alors, par contre, c'est vrai que je me rends compte que je suis moins sensible à la musique sur les séries. Je vais être précis, des animes. Celui-là, si je l'ai vu une fois, il est dans ma liste de à récupérer d'une manière ou d'une autre pour le revoir. Samouraï, hip hop. Là, c'est oui. Je me souviens surtout d'une réalisation graphique super chiadée avec des plans semi-contre-jour ou des effets de contre-jour assez géniaux pendant certains combats. Mais c'est pour ça, tu vois, j'en garde un marquage super marqué. Je sais aussi que toute une partie de la BO avait été samplée par l'horrible The Man with the Two Iron Fist. Comment s'appelle ? Bon, c'est pas Ice-T, c'est RZA. RZA. Avec RZA, il en avait pas mal samplé dans certains de ses albums de Samouraï Champloo. Et celui-là, c'est dans ma liste à revoir parce que ça m'a marqué, mais je m'en souviens plus assez. Par contre, c'est vrai que te parler de la BO du Metropolis qui a été refait en animation par le papa d'Astro Boy ou de la musique, mais en série, je retiens pas. Mais c'est vrai qu'il y a une époque, mes potes, même les potes d'Arnaud. Parce que ça passait sur Canal et était en adoration de Cowboy Bebop. J'ai jamais regardé un épisode. Mon Dieu, mais c'est sûrement très bien. Tout de suite, tu vas regarder Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, c'est la vie. C'est sûrement très bien, mais c'est très bien. C'est la vie. Mais moi, j'ai pas pris le temps de. J'ai un accès Netflix. Attends, pourtant t'aimais Cobra. Ouais, j'aimais bien Cobra, c'est vrai. Bon, bah là, tu devrais aimer Cowboy Bebop. Si, alors tu vois, par exemple, j'aimais bien la musique de City Hunter, mais alors là, dans le genre daté 80, ça pue, mais alors c'est formidable. Mais alors, c'est vraiment bizarre, c'est la musique des années 80 aux japonaises. Alors t'imagines un peu le cumul du truc. Évidemment, c'est deux thèmes. Sinon, je tape. Ah, mais je suis fan, hein, mais je suis le premier fan. Sauf que après, t'as trois morceaux qui sont repérés, qui tournent en boucle dans tous les épisodes, parce que tu les entends, qui sont très bien. C'est très, très typé, donc voilà. Non, c'est vrai que j'ai pas de. Plus sur l'animation. Plus sur le film que sur la série d'animation. Non. Voilà, je te dis, c'est le côté, moi, série live, très vite. Finalement. Arnaud, j'ai une très bonne nouvelle, Samouraï Champloo est disponible sur Netflix. Voilà. Ouais, mais Netflix, ça me fatigue. J'ai du mal avec Netflix. Par contre, si tu veux vraiment, s'il y a une BO pure anime, série d'anime, c'est les Chroniques de la Guerre de l'Ours. Oh, attention. Ça, c'est juste celle-là, je peux... Mais c'est, c'est toujours des trucs qui se passaient dans les bois, en plus, c'est chiant, quoi. Va mourir. Une de Lodos, là, c'est... Oh là, il y a un petit côté très fantasy. Il y a intérêt. La chronique de la guerre de Lodos, c'est de la fantasy, pour le coup. Barberousse, tu veux une anecdote de podcast encore? Vas-y, on voit. Tu sais que j'ai perdu un duel parce que j'ai pas su répondre sur l'arme principale du héros de Death Note. Et évidemment, c'est un cahier, vu que c'est le titre de la série. Et c'est impossible, j'ai pas compris, ça m'est pas revenu. Le mec dit quoi son arme principale? Je sais pas, moi, un pistolet, j'en sais rien. Ils étaient tous pliés en 12, mais voilà. Donc il a un petit carnet où il note les gens et les gens, ils meurent dedans. À peu près, je crois. Death Note. Oh, mais les chroniques de la guerre de Lodos, merde, quoi, quand même. Maya Sakamoto, qu'on retrouve dans la bande originale de Cowboy Bebop. Merde. Non, non, voilà. C'est pas possible, ça. Zut. C'est une autre culture. Votez Arnaud. Et d'ailleurs, pour info, tu parlais du château ambulant. Oui. Il y a deux compositeurs chez Miyazaki. Il y a Hisaichi. Hisaichi et, c'est Joe Hisaichi qui est sur le... C'est pas le même. Si, si, non, il y en a qu'un. Non, il y en a deux. Je les intègre, les intégrales des deux pour faire toutes les films de Miyazaki. T'as Joe Hisaichi et t'en as un deuxième qui fait d'autres films. Oh bah Joe Hisaichi, ouais, mais alors moi c'est vraiment... Joe Hisaichi sur les plus connus. Voilà. C'est Totoro, c'est Totoro, le Porco Rosso, le Château Ambulant, voilà, ça reste voilà. Moi c'est des musiques très très belles, voilà, que j'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'y pense pas forcément. Preuve qu'Arnaud est vraiment quelqu'un de goût. Oh, ça va, mais... Si vous voulez être sympa et éviter la tyrannie, votez aussi un peu pour moi. Parce que, voilà, le pilote, c'est mort. Non, c'est mort. Votez Arnaud. Là, non, mais c'est Noël. Ça, c'est une association de vieux cons, ça s'appelle. Hein, c'est oui. Ça, hein. Et ta gueule. Bon. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui, en ce lieu, paraît irréelle. C'est le côté obscur de la force. J'ai quasiment pas eu de rap dans la playlist. T'en aurais eu chez Arnaud, pas chez moi. J'en ai pas eu. J'ai mis. Chipé à choper, je suis désolé. J'ai hésité, lui, il a été longtemps juste avant que je te l'envoie. Bon, c'est sympa. Que vous avez eu l'école du micro d'argent. Arnaud, je l'ai toujours. Et je les ai même vus sur scène pour cet album. Ça donnait quoi sur scène? C'est du vrai rap, ça veut dire que sur scène ça déchire sa race. Non, mais quand c'est bien, quand les mecs sont bons, ils sont bons sur scène. NTN, tu les vois sur scène, c'est une énergie de ouf, quoi. La seule expérience que j'ai de rappeur sur scène, c'est les 10 ans de Solidays. Oh là là. Ça a quelques années maintenant, et à la fin, il y avait un concert avec plein de gens, Didier Vampas, Jeanne Chéral, Raphaël. Tu sais, le caravane, là. C'est le seul mec que j'ai vu quasiment. J'ai senti l'antipathie de la foule quand ce mec est arrivé sur scène, quoi. C'est fabuleux, quoi. C'est très rare dans les concerts que j'ai fait, voilà. Et à la fin, il y a eu Joey Star et Cool Chain qui sont venus. Et je suis pour le clash. J'aime bien, et les choses que j'aime bien. Je suis pas fan de tout et tout. Paris sous les bombes est un grand album. Mais les mecs sur scène, tout d'un coup, ça met le feu. Enfin, voilà, il y a une puissance énorme, quoi. Et cet album-là, alors en plus de sa super grosse référence pop, tout l'album est génial. On parlait d'album concept. Celui-là, ils oscillent à chaque fois entre cette espèce de côté force obscure. On est un peu. Enfin, eux, c'est assez paradoxalement, pour des rappeurs, ils se prennent pour eux l'Empire. C'est eux l'Empire, c'est eux qui vont les éradiquer les Jedi. Les Jedi, c'est nous. C'est le reste, entre guillemets, dans leur rhétorique. Et l'album oscille entre. Ces moments de rébellion, de Star Wars-esque, on va dire, entre guillemets, et des moments personnels soit de Shuriken, soit de. Akhenaton. D'Akhenaton, merci de nous. Et si tu veux, du coup, ça passe de l'un à l'autre. Et je trouve que l'album est super bien conçu, l'école du micro d'argent. Et c'est un de leurs meilleurs albums, honnêtement. Alors, moi, après, IAM, ce qui est marrant, c'est que nous, on a vécu l'explosion d'IAM à l'insu de leur plein gré avec le Mia. Dans le sens où, à mon avis, ils n'étaient pas. Qui est sur cet album aussi. Hein. Dans le sens, c'est un morceau rigolo, quoi. C'est pas du tout représentatif de ce qu'ils font, je trouve. C'est un très bon morceau, mais c'est un morceau nostalgique d'ailleurs, un peu funky. C'est de bons trucs. Après, j'avoue que moi, ça, je suis pas de culture rap du tout. Je suis plus de culture rock, donc ça me parle un peu moins. Je pense que le rappeur que j'écoutais le plus, c'est MC Solar. C'était à l'époque son album qui est fameux, le fameux album qui est pas interdit, mais qui est. Prose Combat, voilà. Qui est un album que j'ai beaucoup écouté et que je trouvais musicalement bien supérieur, y compris même à IAM et NTM. Très très bonne chose. Il y a des morceaux que j'aime bien chez IAM et NTM. J'aurais pas tranché entre les deux parce que. Il y a des trucs que je trouve excessifs chez NTM mais qui me font marrer parce que lui il en fait des tonnes, machin. Ça se prend un peu plus au sérieux chez IAM, mais il y a des bons trucs quand même, mais voilà, bon après ça m'amuse un petit peu, puis voilà. S'il y a un truc qui est super, c'est qu'il y a dans cet album-là, il y a un sample de Goldorak, d'un vinyle de Goldorak que j'avais, une histoire de Goldorak racontée en vinyle. Et à un moment il dit pourquoi ne puis-je pas Pourquoi suis-je obligé de me battre? Pourquoi ne puis-je pas vivre comme n'importe quel être humain? Et c'est un sample d'Actarus qui raconte ça avec sa chemise à fleurs et ses pantalons pas de def et sa guitare au pied d'un arbre. Donc, son voilà. Veston à franges. Sa veste à franges, oui, de cow-boy. Donc moi, vraiment, honnêtement, oui, mais voilà. Alors celui-là, c'est bien, mais c'est le truc Star Wars qui me fait marrer. Par contre, il y a un côté, c'est passé les années 2000, moi, le rap, ça me passe complètement à côté. Alors, tu veux de l'anecdote, en espérant que tu ne l'aies pas passé après, mais je suis passé sur Deezer, donc des fois, Deezer me passe des trucs au pif. Voilà, tu sais, il a fameux une espèce de truc flow qui s'appelle et qui te passe des trucs selon ce que tu as mis comme favori. Tout d'un coup, suggestion. Et tout d'un coup, il me passe un truc sur lequel j'accroche, un gros son, alors un peu électro quand même et tout, et je regarde et c'est du Kanye West. je connais pas Kanye West, je connais parce que... Parce que je suis... Attendez, je suis Twitter, donc je connais un peu Kanye West parce que c'est un phénomène quasiment internet, le mec tout seul, enfin voilà. Le mec, il a l'air complètement ailleurs, quoi, voilà. Tu sens le mec, il est sur une autre planète. C'est la Paris Hilton masculine. Oui, voilà. Sauf que ce truc-là, et donc j'ai interrogé une de mes connaissances qui est très compétent là-dedans, et il m'a dit, c'est un album qui s'appelle Jesus, de Kanye West, qui est l'avant-dernier album, où le mec s'est entouré de mecs d'électro français. Donc il y a les Daft Punk, il y a un tas de mecs qui lui ont mixé les morceaux, et du coup, ça sonne pas comme d'habitude, mais voilà. Donc en général, j'aime bien le rap quand il se mélange avec autre chose, quand il pioche autre chose, et Solar en est un exemple très très fort là-dessus. Du rap, certes. On parlait de rap, hein, parce que franchement, lui, c'est pas du rap. C'est différent. Enfin, c'est du West Coast, quoi. C'est bah, pas... c'est simple. Alors après, moi, ce qui me fait chier avec le rap, c'est... Rap américain, c'est que je comprends rien, et qu'à mon avis, le rap, quand tu lis pas les trucs, quand tu comprends pas ce qui serait... Tout est sur le texte. Alors si tu comprends pas... t'avais un très beau morceau de l'école du micro d'argent qui s'appelait Né sous la même étoile, qui était un tube, qui était très fort dans ce que ça racontait à un moment. Alors pareil, je me dis à un moment, est-ce que, comme on s'est un peu moqué, est-ce qu'à un moment les colères des années 90, alors malheureusement il y a des choses qui se retrouvent où ça peut être à nouveau chanté et ça n'a pas bougé, de temps en temps, ça perd son intérêt. Voilà. Après, les premiers NTM, genre authentiques, à écouter aujourd'hui, ça pique un peu les oreilles. Hein. Alors, c'est là où moi je ne suis pas d'accord, c'est ça pique plus sur la partie sample que sur la partie parole, honnêtement. Ouais, alors ça c'est le drame. Pour l'avoir réécouté authentique, parce que moi, ça reste un truc assez... Enfin, c'est brut, quoi. C'est Joey Star qui crie pas, c'est très étonnant, vous verrez. Voilà, on ne connaît pas Joey Star, parce qu'à l'époque, il rappe normalement, quoi. Et puis, ils ont un flow, lui, tous les deux, qui est très, très... qui est beaucoup plus maîtrisé, enfin, qui est beaucoup plus en... Tu sens qu'ils ont cette rage, mais elle est beaucoup plus sous-jacente, et du coup, c'est vachement plus costaud, ce qui... Et leur texte, du coup, il les porte plus qu'ils ne les gueulent, et du coup, c'est vachement plus intéressant, enfin, surtout Joey Star. Et authentique, ce qui est chiffonnant, je trouve, c'est qu'au final, c'est les samples qui paraissent super pauvres maintenant. Et ça, c'est un truc, par exemple, tu vois, là, on écoutait l'école du micro d'argent, qui est quand même pas tout jeune, honnêtement. Parce 95, que, un truc comme ça. Il a 97, ans, je crois. Il a 20 ans, l'album. 97. Ouais, il a bientôt 20 ans. Keops, derrière, il a fait un boulot de ouf, ouais. Quoi. Non, mais... C'est super riche. C'est super. Enfin, tu vois, tu le ressors maintenant, tu peux même enlever les voix, ça paraît pas pauvre. Authentique. À l'époque, c'est merde, comment il s'appelle le assassin, t'avais dit DJS. C'est DJS, ouais, c'est ça. Il est à la ramasse maintenant. C'est bah, à la ramasse. Bah non, mais après, c'est comme si t'essayais d'écouter du Lionel D maintenant. Oui, non, mais derrière lui, c'était. Non, mais c'est un côté. Ah bordel. Comme les Quepons, il y a un petit côté les punks. T'as trois accords derrière qui se battent en duel. Quand t'es plus dans l'esprit du moment, bah ça vieillit vachement. Là, c'est un peu côté ça. Alors, c'était des mecs de cité, des vrais. Hein. Voilà, il y avait pas de tromperie sur la marchandise en matière de quand ils te racontaient des trucs. Et NTM, c'était sérieux, quoi. Ça a d'ailleurs été tout un problème, c'est qu'à un moment, quand il s'est mis à habiter Bastille, le père Joey Star, et à s'embourgeoiser un peu parce qu'il s'est mis à gagner des sous, tout d'un coup, le discours il devient compliqué à tenir. Et il s'est fait ramasser sur des choses. C'est pas grave, du coup, il fait c'est de la bonbon Benz, donc d'un seul coup, il est raccord. Mais c'est drôle, moi, la Benz, ça me fait marrer, quoi. C'est vulgaire, c'est misogyne, mais c'est drôle, quoi. Bah ouais, mais. Enfin, moi, en tout cas, c'est un des trucs, comme disait, je chambrais sur le West Coast tout à l'heure, c'est exactement pareil pour là, c'est une partie du rap qui m'intéresse pas. Ça, j'en ai rien à foutre. C'est un des trucs qui me déprime le plus, c'est qu'MC Solar a tellement été écœuré et coincé par le système avec le contrat de merde qu'il a eu qu'il n'a jamais voulu réécrire derrière. Alors que il a fait d'autres... Je pense que c'est un mec qui aurait pu porter tellement d'autres trucs. Ah, je ne suis pas d'accord. Il a fait d'autres albums. Il a fait 5e As, il a fait Gangster Moderne. Et puis je crois il a fait Geoffrey Winter aussi. Oui, alors il se fait Ophélie Winter. Bon, alors Chabat aussi, hein, voilà. Demander qui. Enfin bref. Mais par contre, le problème, c'est que je pense qu'il a, pour ce combat, il était dans une espèce de pic de créativité. Alors je crois que notamment, il s'est peut-être engueulé aussi avec son DJ de l'époque, peut-être. Je me demande s'il a travaillé après avec. Mais il y a un moment, il y a un pic de créativité qu'il a peut-être pas retrouvé non plus. Alors peut-être que tout le ce qui lui est arrivé, que c'est EMI je crois, qui garde les bobines, Soldar n'a pas le droit de les utiliser. Peut-être que c'est dommage. Après, il y a une pointe, voilà. Mais musicalement, je trouve que c'est bien devant NTM. Ça peut faire rap d'un télo, hein, c'est possible, hein, mais il y a un côté où moi je trouve ça plus intéressant. Musicalement, plus intéressant, au même point de vue du texte, il y avait une qualité qu'il n'y avait pas les autres, qui était plus dans du brut, une espèce d'énergie brute, mais voilà. Alors, pour info, c'était Polydor. Parce que du coup, c'est Polydor, pardon. C'est Polydor devenu Universal Music. Mon Dieu, et c'est bien ça, il y a un accord, il a eu un contrat de merde, et du coup, ces quatre derniers albums, donc Chapitre 7, Mac 8, 5e As, et celui qui s'appelle MC Solar, ils sont pas exploitables. Après, il a pas retrouvé non plus. Après, à un moment, faut faire des tubes. Enfin, c'est compliqué après, encore plus aujourd'hui, mais faut refaire des. Il y a un moment, il a une série de morceaux, comme IAM, comme NTM, ils ont eu des séries de morceaux qui passaient en radio, qui étaient accrocheurs, qui marchaient. Et quand t'as pas ces morceaux-là à la suite, bah, des fois, quand tu gardes un petit public proche de toi, suffisamment pour que tu vives et tout. Mais Solar, il y a un moment, je pense qu'effectivement, il faisait plus de scène. Ou alors, il passait sous les radars, quoi. Et après, il suffit aussi, malheureusement, que Polydor dise aux télé, attention, vous me prenez pas cet artiste-là, parce que si lui, vous me le prenez, moi, je vous donne pas machin, pour qu'il passe tout d'un coup sous les radars télévision. C'est arrivé, il y avait des jeunes artistes, Jean-Claude Camus, qui est l'ancien producteur d'Hallyday, voulait pas placer des jeunes artistes, il disait aux télé, si vous voulez Hallyday, vous me prenez l'autre mec avec, quoi. Ben non, mais c'est des bons agents. Donc, sauf que du coup, si tu veux faire disparaître un artiste, tu fais disparaître un artiste, quoi. C'est malheureusement possible. Je sais pas ce qui est arrivé à Solar, j'hypothétise, mais je trouve qu'à un moment, il a disparu de la circulation quand même. Alors que tu prends. Alors, après Pro ce combat, le nouveau Wester, du coup, j'ai tout sous les yeux. Hein. Vas-y. Après Pro ce combat, Paradisiaque, MC Solar, 5e As et Maxis appartiennent entièrement à Polydor en termes de propriété intellectuelle, mais ils ont besoin de son aval pour les éditer. Ouais, donc ça... Et donc, du coup, il dit non. Donc ça, donc, ça doit être la merde. Quoi. Ça existe nulle part, techniquement. Mais si tu l'as pas acheté à l'époque, ils existent plus. Sauf que maintenant, il faut qu'ils ressortent des trucs. Mais bon, peut-être que. Mais il a fait une compilation en 2010 que j'ai absolument pas vue passer à Magnum 567. Je connais pas. Mais si, par contre, il est tous les ans aux Enfoirés. Oui. Peut-être pas non plus une référence. Non, on va plus en parler, les Enfoirés, s'il vous plaît. Vaut mieux pas, oui. Par respect par Jean-Jacques, on va plus en parler, les Enfoirés. Laisse Jean-Jacques, s'il te plaît. Laissons-le à la retraite. Mais il y a la retraite, c'est un chauve maintenant qui dirige ça. Comment il s'appelle déjà? C'est un Jean-Jacques Goldman. Mais non, il a pris sa retraite en plus, il s'est barré. Vraiment, oui, il a pris la retraite des Enfoirés. Mais lui, il est rougou. Oui, mais c'est son autre copain qui organise ce bordel. Je sais pas qui a pris la relève, je sais pas. Le mec qui écrit pour Florent Pagny. Oh non. Quoi, Eric Benzi? Il est pas chaud, Eric. Oh non. Le fan de Paul Naref. Je suis tombé pour elle. Berk. Ah, mais non, c'est pas Pascal qui gère le. C'est pas Obispo mais qui gère les Enfoirés. Bien sûr que si, c'est Obispo qui gère les Enfoirés. Non, j'y crois pas. Non, c'est pas. Non, ça me surprend. Mais bon. Bon avançons, Barbeau. Oui, avançons un petit peu quand même. On va monter loin. On va monter là-haut dans l'espace. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de jeux vidéo avec vous. Oh putain. Bonjour monsieur Jack Wall. Juste la petite montée qui va bien comme ça. Qu'est-ce que c'est ? J'ai l'impression d'être au duel. Voter je suis largué. Ah. Ah non, si tu reconnais pas ça, je suis désolé, tu peux sortir. Si, ça je connais. C'est Deus Machina. Tu vas t'en vouloir dans moins de 5 secondes. C'est quoi ce truc ? 3. Ah, 2, c'est Mass Effect. Voilà. Ah oui, non, mais. Les Mass Effect, c'est Laurent. Ah, bah pourtant, tu disais que tu veux réutiliser les Mass Effect. Non, mais oui, c'est moi qui lui ai soumis. Ah. Si tu préfères, moi je travaille sur la partie visuelle. J'aime beaucoup Mass Effect pour la partie visuelle, mais je n'ai fait aucun des jeux. Oh mon c'est dieu. Moi j'ai fait le 3, mais je suis arrêté au milieu pour l'instant. Oh, je suis déception. Donc j'ai pas fini. C'est un grand jeu, moi que j'aime beaucoup. C'est des grands jeux avec des ambiances, ça marche tout de suite, quoi, les vaisseaux spatiaux, les machins. Autant tu vois, genre Skyrim, les mecs avec leur casserole sur la tête et leur épée dans les mains, ça m'emmerde. Je ne dirais pas voter Laurent, mais c'est faut vraiment pas que je le dise. autant Mass Effect, les vaisseaux spatiaux, l'univers est vachement passionnant. Alors après, en étant méchant, mais j'aime Mass Effect, c'est zéro originalité. Enfin, si, c'est très bien trouvé, mais ça pioche partout, quoi. Voilà, donc c'est. Oh, les races sont bien expliquées. J'adore les Cariens, les clodos de l'espace. Ah non, mais voilà, est génial. Les guerres interstellaires. Si tu veux, je viens de me faire cette saison de Star Trek Deep Space Nine. Voté Arnaud. T'es sûr que les mecs qui écrivent Mass Effect, ils ont vu tout Star Trek, ils ont vu tout Babylon 5, ils ont vu. Ça doit être pour ça que je fais pas les. Ils ont vu tout Battlestar Galactica, il n'y a aucun souci. Babylon 5, merde, quand même. Voilà. Donc, non, c'est des très bons jeux. Après, c'est du gameplay, hein. Faut aimer appuyer sur les boutons, faire poum poum. Pour défourer du truc, il y a des choix très malins. Alors je vais parler plus de Mass Effect 2 parce que j'ai pas fini Mass Effect 3, donc un jour je vais m'y recoller, mais voilà, c'est les périodes. C'est cruel parce qu'à la fin de Mass Effect 2, tu dois placer des mecs à certains endroits parce que tu attaques une base, machin. Évidemment, t'en as qui meurent dans l'eau parce qu'il faut placer les bons au bon endroit. Et puis, comme c'est un jeu de choix, ça marche très bien, c'est très malin. Non, c'est des univers très sympas. Bon, alors par contre, la musique, ça me marque pas tant que ça dans un jeu vidéo finalement. À part les thèmes mythiques de. Parce que finalement, je pense qu'on se souvenait des thèmes des Sonic, des Mario, des machins, parce que tu les bouffais tellement, parce que tu étais tellement obligé de recommencer c'était tout du le plateau. Temps. Non, puis tu étais obligé de recommencer tout le temps. Donc, au moment, le thème, tu te le. Il te rentre dans la tête contre ton gré, quoi. Mais voilà, donc c'est un truc où. Voilà, je suis pas sûr qu'il. Enfin, je sais pas s'il y a de la grande musique de jeux vidéo aujourd'hui. Toi, je vais me faire jeter des cailloux. Oh la vache, tu vas te manger des paquets de cailloux dans la gueule, toi. Mais je vais aller chercher un bulldozer. Si, il y a de très grands. Ouais, Life is Strange, c'est que de la pop. Mais jouer à Life is Strange, c'est un très bon jeu de choix. Mais alors, c'est que de la pop américaine, mais c'est vachement sympa. T'as une ambiance de folie, mais c'est pas. C'est tourné comme des films. Alors, quoi. Si j'ai mis ce titre-là, c'est justement pour ne pas mettre Uncharted. Ah, oui. Que je trouve plus. Là aussi, par contre. Mais pareil, le thème d'Uncharted, je me le suis payé, mais il est. Je m'étais acheté la BO du 3. Tu vois, ça m'arrivait pas souvent, mais je m'étais acheté la BO du 3. Mais c'est des thèmes à la Indiana Jones, quoi. Ça marche très bien. Et même pas essayé un petit Last of Us ? Alors, j'ai essayé un quart d'heure. Celui-là ? J'ai essayé un quart d'heure Last of Us et ça m'a trop stressé. C'est-à-dire que ça me fait peur. Et je me suis retrouvé coincé dans un immeuble avec des espèces de zombies qui t'attaquent. Et j'avoue que j'ai pas. Ça m'a un peu stressé. Et je l'ai, on me l'a prêté, je crois. Donc il faut que je. Ouais, je crois que c'est Johan qui a dû me le prêter. Et il faut que je m'y recolle. Après, moi, les jeux, c'est des périodes. C'est-à-dire, il y a des périodes où je joue, puis il y a des périodes où je joue pas. Si quelqu'un de ma famille qui m'a prêté Assassin's Creed 3, putain que c'est chiant! J'ai fait le 2 complet. Un bout de la bande originale du 4, justement. Putain, je sais que j'ai fini le 2. Hein. Ceux-là sont chiants. Je suis allé tuer le pape à la fin et tout. Hein. Tu reprends le 3, c'est les mêmes schémas de jeu. C'est très beau. Hein. J'ai un copain, il se balade dedans. Il me dit, je joue pas, ça m'ennuie, mais je me promène. Je trouve ça joli à Paris. C'est le Unity, je sais plus lequel. Bref. Mais putain, qu'est-ce que c'est chiant. En plus, tu sais jamais ce que tu dois faire. On dit, va chercher le coffre. Bon, ok, tu vas chercher le coffre. Puis après, tu dis, allez, reviens, ramène le coffre. Bon, tu ramènes le coffre. Puis entre-temps, t'as des mecs qui tirent dessus. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas qui c'est. Tu sais pas. Voilà. Vraiment, Assassin's Creed, moi, j'ai un peu lâché le truc. On va voir ce que va donner Michael Fassbender en Assassin's Creed. Oh là là là là. Ça va être intéressant. Oh là là là là, non. Oh. Ah si, ça va être bien, ça. Quelle catastrophe. Non. Ça va encore être une adaptation de jeu vidéo en film qui va être bonne à foutre à la poubelle. Non, ah, mais il y a vraiment pas la gueule du truc. Je m'en fous de sa gueule, c'est pire, c'est la direction artistique, elle est dégueulasse. Attends, à côté des jeux. Tu déconnes ou quoi ? D'abord, c'est produit par Ubisoft, donc on a une chance que ça ressemble un peu. Attends, moi j'ai vu Prince of Persia en salle, je suis pas fier, hein, mais. Et mec, regardez, c'est le prince arabe. Non, c'est pas un prince arabe, c'est Jacques Gyllenhaal. Moi je le connais, il est pas arabe du tout. Hein, Pourtant, leur court-métrage qu'ils avaient fait pour Assassin's Creed était pas mal. Ouais, non, oui. Non, mais je pense que c'est. Plus facile à adapter finalement Assassin's Creed. Le seul avantage, c'est qu'ils ont un univers qui est extrêmement riche. Prince of Persia adapté, wouh ! Alors là, voilà, tu montes au mur. Faire ça, c'est casse-gueule. Ok, je monte au mur. Et puis après, tu redescends du mur. Ok, je redescends du mur. Bon. Et tu sauves la princesse à la fin. Il y a une scène dans Prince of Persia où, qui est fait exprès, évidemment, qui est filmée de dos. Il y a un truc qui s'écroule et le mec, il est filmé de dos. Les plus vieux, pour moi, il est de profil, mais dans les jeux, dans les derniers jeux PS ou GameCube, je ne sais plus, un peu des deux, il était de dos d'un moment quand il passait en 3D et tout. Ils ont fait vraiment la séquence de jeu sur les différents trucs de dos et tout. Tu as vraiment l'impression que c'est la séquence de jeu. Assassin's Creed, c'est le mec qui ne saute pas dans une botte de paille. Je rembourse la place. Et attends, puisqu'on parle en adaptation de jeu, pour moi, le meilleur film adapté d'un jeu, c'est Hardcore Henry. Pas vu, je suis pas tenté. Ah, ça a l'air celui-là. Bien chelou, ça. Alors, bah, c'est pas dur, c'est une heure presque et demie en full FPS, à partir d'un mec qui va courir partout, sauter dans tous les coins, dézinguer dans tous les sens. C'est à la fois même docteur... complètement lobotomisant et hypnotisant. Même Docteur Arnaud et Délié Mars en a dit du bien. Oh là là. Vous dire. Franchement, il faut le voir, Hardcore Henry. Honnêtement, tu peux le voir en VO. Hein. Le niveau des dialogues est pas gênant. Mais il paraît que c'est très très what the fuck. Hein. Mais c'est. C'est le problème, c'est que pour en parler, à part c'est impossible d'en parler réellement parce que soit tu spoiles l'histoire et c'est con, parce que pour le coup. Une fois que tu arrives à passer le côté ultra lobotomisant du FPS, du first person, finalement l'histoire elle est banale, elle est typique d'un jeu vidéo, de trucs bidules, mais entre la forme et cette espèce de fond très jeu vidéo, il y a quand même une scène de fin où donc tu es à la place de Henry et où tu combats des vagues successives de méchants en leur arrachant la tête, en les décapitant, en les brûlant, en les jetant dans le vide, enfin, mais en non-stop quoi. T'as vraiment l'espèce de boss final avec toutes les relous qui viennent te casser les couilles avant que tu puisses taper le boss. Mais vraiment de type jeu vidéo quoi. Et t'es en haut d'un immeuble avec la ville illuminée au loin et tout, tu vois. Enfin c'est. Mais à côté de ça, c'est. Franchement, faut le voir. C'est un truc à voir. Que c'est pour moi, c'est une vraie. Ouais. Le parti pris du positionnement de la caméra est carrément. C'est hyper osé. Ça va du bout, du début à la fin. Il n'y a pas de rupture, c'est du début à la fin que tu es de ce point de vue-là. C'est super malin. Et ensuite, pour le coup, il y a 4-5 scènes d'action qui sont complètement barrées. Ils sautent d'un étage à l'autre en flinguant des mecs. Il y a des semi-ralentis. Enfin, il y avait des ralentis dans la bande-annonce qu'il n'y a pas dans le film. Donc, tu as moins ce côté je t'en mets plein la vue. Du coup, tu as l'impression que ça n'arrête jamais. Il y a un concept d'un personnage qui permet de le faire revenir tout le temps qui est absolument génial. C'est. Ça, tu vois, c'est pour ça que je dis le Assassin's Creed, même s'ils ont un très grand univers. Ça va faire un film clair. Soit ils reprennent l'histoire, soit ils reprennent le scénario d'origine et on s'en fout. Mais non, ça va faire un film classique. On s'en fout parce que c'est juste un film. Ça peut être un film d'action vaguement. Qu'est-ce que ça va apporter d'adapter Assassin's Creed? Bon, le seul truc, c'est que l'univers n'a pas trop été exploré. À la rigueur, ça peut être sympa s'ils arrivent à ancrer leur truc dans leur univers italien. Alors, ça dépend de quel univers. Il y a eu cinq jeux, leur univers, il a été exploré. C'est comme si tu disais, on va faire un film d'Uncharted. Non, merci, c'est bon, on a déjà Indiana Jones, déjà Jason Bourne, on peut se passer de Uncharted. Ah, regarde, ils ont fait des films Resident Evil. Donc c'est un peu spécial. Oui, alors, moi je sais pas, j'en ai vu un. Je pense, Laurent, que c'est une très mauvaise réponse. Parce que surtout qu'il y en a encore un qui sort. Non, mais oui, normalement c'est le dernier. Oui, c'est facile, il réalise avec sa femme aussi. C'est facile, il fait tourner sa femme. Non, c'est plus vicieux que ça, Laurent. C'est sa femme qui est productrice. Oui, en plus. Non, j'aime pas les Resident Evil. J'ai vu le premier, j'ai joué au 2. J'ai joué au 2 que j'ai fini, qui était bien sympa. Par contre, j'ai vu le premier film, j'ai rien compris. C'est-à-dire que je ne comprenais pas ce qui se passait. Il y a quelques films comme ça que j'ai vu où je comprenais pas. Il y a des scènes qui s'enchaînent. T'as un vinglin parce que t'as les mêmes mecs qui sont là tout au long du film, mais genre les Fast and Furious, les Resident Evil. Je comprends pas ce qui se passe. Elle me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Il y a des images qui bousent, c'est joli. Oh, il y a des flingues, c'est ça, il y a des belles bagnoles. Non, mais Resident Evil, c'est vraiment chelou, quoi. Enfin, voilà, donc pour revenir à la BO de Assassin's Creed, celle d'Uncharted, par contre, c'est pareil, je l'aurais pas non plus relevé. Moi, c'est... Ah, si, par contre, le Last of Us, je l'ai en stock, ça fait depuis qu'il est sorti que je l'ai et j'ai toujours pas pris le temps d'y jouer. Mais c'est hyper stressant, quoi. Il a l'air tellement bon, je veux pas me le gâcher, donc je veux le faire proprement quand j'aurai le temps et j'ai pas quand le temps. Quand tu le feras, tu viendras en parler. on va te le démonter le jeu, t'inquiète. Voilà. Bon. Neuvième titre. Déjà ? Ça file. In constant sorrow all through his days. chanteur. Ouais. Un tour de fringin, il fallait au moins ça. Ah, pas mal. Je sais plus si c'est George qui chante ou pas. Oui, c'est George Clooney. Ouais. Oui. Alors, les frères Cohen, aux Brothers, Ulysse. Ah, y a pas, c'est des cinéastes de ouf. Ah, bah, c'est des grands. C'est... Moi, j'avais été marqué par The Barber, qui est très noir, très spécial. Aux Brothers, c'est une délirade absolument géniale. C'est, pour moi, c'est leur meilleur film. C'est. Après, ils ont fait des choses bien, mais aux Brothers. Moi, j'ai pas tout vu là, il m'en manque quelques-uns. J'avais vu Burn After Reading qui m'avait un peu déçu, où j'avais été un peu. C'était bien, mais ça se terminait vite. Non, aux Brothers, il y a une espèce d'épopée. Clooney, d'abord, est un grand acteur quand il est présent et quand il est. Voilà, il y a un truc où ce mec dégage quelque chose, quoi. Donc, non, c'est un. Après, pour l'anecdote, c'est intéressant de voir deux frères travailler comme ça. Alors, ils n'ont pas le même rôle exactement. Je crois qu'il y en a un qui est très scénariste, l'autre qui est très réalisateur. Enfin, ils se partagent un peu. Même si aussi, c'est un film des Cohen. Mais c'est possible de travailler avec son frère. Hein. Ça peut se faire. C'est possible. Hein. Ouais, c'est ce qu'il dit. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est du grand cinéma. Alors, espèce de... Là, tu vois, pareil, l'univers country, c'est une espèce de vieux, entre la vieux blues et la country, parce que c'est voilà, ça marche parfaitement avec l'histoire racontée. C'est juste brillant. Et toi, Arnaud ? Moi, je dois t'avouer que The Big Lebowski, Au Brother, Panthéon absolu. Quand je pense que je les ai pas mis dans mes 7 films préférés, sur Twitter, là. Ah, j'ai pas répondu. Oh, moi, si j'étais toi, j'en prendrais 10 de films. Putain, il m'en faudrait 50. Là. Non, 10. Mais tu vois, c'est une musique qui est... écoute, t'écoutes ça, il y a une interprétation, il y a un fond, il y a un truc qui est génial, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est encore une BO, c'est encore un film qui est super fort, super, qui est super travaillé esthétiquement. Ouais. On est encore, tu vois, c'est... Ça c'est vieux comme morceau à l'origine en plus, c'est increvable. Bon, l'énergie, le truc qu'il y a dans le fond là, c'est increvable. Quoi. Bah oui, parce que c'est les mecs qui étaient au bord des champs qui chantaient, quoi. Il y a un peu de ça, il y a une espèce de brut. Il y a beaucoup de gospel dans le film. Hein. Oui, c'est compliqué à écouter comme ça. Hein. Tu passes pas comme ça dans les oreilles en disant ah, c'est cool, tiens, je vais me mettre ça. Après, quand t'as l'ambiance, quand tu plonges dedans, c'est vraiment. Ça, tout de suite, t'as les images, t'as l'autre avec sa Gomina, parce qu'il y a tout un sketch autour de la Gomina. Non. Voilà, qu'elle passe en flottant là, après l'inondation. Voilà. Mais voilà, c'est un truc où tu as besoin. Moi, c'est souvent ça d'ailleurs, la musique de film, ça marche souvent mieux. Ça arrive qu'elle soit très écoutable sans, mais ça marche tellement mieux quand tu as les images qui te reviennent et voilà, où ça t'en met dans une ambiance un peu particulière. C'est quand même sympa. Alors, donc apparemment, ce serait pas Clooney qui l'aurait chanté, ce serait Dan Timinski. Attends, on a fouillé. D'accord. Bon. J'ai jamais vu Clooney chanter. Voilà, il y a des acteurs qui, beaucoup d'acteurs hollywoodiens si. Tu peux le voir chanter. Tu peux le voir chanter dans le carpool, karaoke pool de la blonde de No Doubt. Ah oui, j'ai perdu son nom. C'est pas Jennifer. La blonde. Non. La chanteuse de No Doubt. Qui s'appelle. Je sais plus. Elle a fait un carpool avec Jimmy. Oh là, décidément, pas Jimmy Fallon, Gwen c'est l'autre. James Corden. Gwen Stefani. Voilà, Gwen Stefani. Et dedans, il y a Julia Roberts et George Clooney qui montent pour chanter. Mais ils chantent très mal. Hein. Et Julia Roberts s'en sort à peu près, même si on a tout le temps l'impression qu'elle se demande ce qu'elle fout là. Lui, il part en live. Enfin, honnêtement, j'étais un oeil à cette vidéo, ça dure un quart d'heure. Honnêtement, elle, George Clooney part complètement live. Non, il sent bien qu'il n'en a rien à foutre d'être là et il fait n'importe quoi. C'est un mec quoi. Très rigolo quand même. Et c'est assez fort. Il faudra me refiler le lien de ce truc que je le mette dans le billet. Tu fais YouTube, Carpool. C'est James Corden, donc c'est un présentateur américain qui en plus chante, hein, qui est un chanteur qu'on peut voir dans Into the Woods. Mais qui chante super bien. Qui chante très bien et qui balade en voiture avec des célébrités qui leur fait chanter des trucs. Il a eu Elton John, il a eu Justin Bieber, il a eu Stevie Wonder, il a eu One Direction, il a eu un peu tout le monde. Il a eu Adele. Même si vous n'avez pas les One Direction, regardez-les faire les zouaves dans une caisse avec ce mec, c'est à mourir de rire. Et il chante, il a eu des gens pour Broadway notamment, il a eu le mec qui a créé Hamilton, il a eu plein de gens. Et effectivement, il en fait une avec Gwen Stefani et à l'arrière, on ne sait pas pourquoi, il y a Julia Roberts et George Clooney qui monte à l'arrière et qui se met à chanter. Alors, ouais, Clooney, il chante pas très bien, c'est vrai. Et tout le monde est en finit avec lui. Si jamais vous voulez vous vraiment ouvrir des grands yeux, regardez celui avec Michelle Obama. Oui, oui, oui. Vous verrez ce que c'est quand. Ce que c'est que de la com, pour de vrai. Elle est hallucinante. Elle est hallucinante. Mais elle est. Honnêtement, elle est classe, hein. Mais elle est hallucinante, quoi. Elle te fait single lady de Beyoncé, avec la Corée et tout, assise dans bagnole, quoi. Enfin, voilà, c'est la première dame des États-Unis. Mais elle com. Mais elle est classe, quoi. Enfin, il y a un truc, tu vois, là. Ça passe, quoi. La puissance de direction, la puissance de dérision de Clooney, de toute façon, est plus à faire. Parce qu'au Brother, il fallait quand même porter ce personnage. Qui n'est pas positif. Hein. Ah, c'est un lâche, un con. Voilà. Et Clooney a une force sur ses en tant qu'acteur, en tant que personnage. Et vous le trouvez à faire des conneries. La dernière que j'avais vue, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il faisait soi-disant une réunion d'urgence. Tu sais, genre, il reprenait la blouse du docteur Ross, évidemment, dans une émission pareille, à Jimmy Corden ou je ne sais pas lequel. Et comme il n'avait pas réussi à trouver les castings d'urgence, bah c'est Hugh Laurie, Dr. House, qui arrivait derrière. Voilà, donc tous les deux, c'est. Donc voilà, donc c'est un mec qui a une capacité de dérision comme ça et qui est un grand acteur, qui est aussi un très bon réalisateur, qui a fait plusieurs films. Pas voilà. Good Luck, je crois, il a fait celui-là. Ça me souvient, celui-là ouais. Était pas mal. Good Night and Good Luck. Non, c'est pas lui. Speech for a King, c'est pas lui. Non, le discours du roi. Le discours du roi. Non, Good Light and Good Luck, il a fait The Good German, je crois. Enfin, voilà, c'est un. Non, c'est un mec vraiment. Et c'est un mec qui a quand même réussi à rendre des cafetières classe. Je veux dire, c'est un moment, ça. Non, mais sérieusement, avant qu'il fasse cette fameuse pub, les cafetières à capsules, c'est les cafetières à capsules, quoi. C'était pas classe. Et le mec, il a réussi à rendre ça classe, quoi. Je veux dire, personne ne peut, quoi. Personne. Nous, son gars, il a jamais réussi à rendre les Kinder Bueno classe, quoi. Ça reste des Kinder Bueno, si tu veux. Ça reste ton gars. Non, mais voilà, ce mec a une capacité où. Moi, j'adore Ocean's Eleven. J'ai un pote qui disait Ocean's Eleven, c'est Brad Pitt et Clooney qui se regardent le costume pendant une heure et demie en disant t'as vu comment ils. Enfin, ils ont la classe, quoi. Il est peut-être temps d'attaquer le dernier titre. Avant la honte ou il a pas fait la honte. Oh. Non, ce serait une honte pour qui, de toute façon. Oui, allez, vas-y, fais péter le dernier. Parce que là, il va falloir nous expliquer. Il vient d'où, ce podcast et ce générique? Alors, la première ou la deuxième? C'est moi, laisse-moi faire. Le générique, c'est Laurent qui joue et qui l'a écrit. Alors. Pourquoi? Faut que je le change un peu. C'est Laurent qui l'a écrit, qui le joue et. Alors. Voilà. Oui, c'est moi. C'est de la guitare. Moi. C'est Laurent qui a écrit, composé, mixé et fait le générique. Faut une chose sur le podcast qu'on dit souvent quand on croise des auditeurs. Tout ce qui concerne le son, c'est Laurent. Tout ce qui concerne le site ou les visuels, c'est moi. C'est aussi simple. C'est hyper pratique parce que ça. Enfin, c'est hyper pratique. Non, ça dépend. Ça veut dire que si Arnaud n'est pas là, je peux enregistrer, je peux te faire 10 podcasts. Je serais un foutu de les mettre en ligne. Je ne sais pas les mettre en ligne. Voilà, je ne sais pas faire. Ça me paraît très compliqué. Ça me paraît. Voilà. Et Arnaud, pour monter un podcast en matière sonore, il y arrive en plus. Non, faut m'oublier. C'est un peu long. C'est un peu plus long. Moi, j'arrive à les monter. Au bout d'un moment, je commence à avoir pris le pli voilà, un peu vite parce que voilà, j'ai fait du son avant, parce que ça m'intéresse, parce que j'écoute les sondiers, parce que machin, blabla. Donc, j'ai un peu la maîtrise. Moi, la mise en ligne, c'est complètement obscur. Quoi. J'ai même un site internet. C'est un de mes potes qui l'héberge. Enfin, toi, il y a un truc où c'est jamais moi. Je sais acheter des noms de domaine. Ça, je sais faire. Voilà. Bon, c'est pas hyper compliqué. Hein, voilà. Donc voilà. Mais non, mais effectivement. Et alors, moi, je répète souvent, ce podcast n'est pas mon idée. Pourtant, c'est l'époque où j'écoutais beaucoup de podcasts, où on traînait avec les charmantes personnes de No Watch à l'époque, en 2009, 2010, je crois. Et j'en écoutais beaucoup. Je sais pas si je traînais encore derrière les micros à l'époque. Pas encore complètement. Pas complètement. Puis je m'étais dit, ouais. Tes super pouvoirs sont arrivés après. Après. Non, mais c'est un côté où. Et c'est très sérieux en disant, faire un podcast, oui, mais pour faire quoi? Je n'allais pas faire un podcast comme ça dans le vide, quoi. Voilà. Barberousse, t'es arrivé, toi, un jour, t'as fait Queen of Vie parce que tu faisais des Telex et qu'à un moment, t'as arrêté de faire des Telex. Donc tu t'es dit, au lieu de les faire pour une émission, je vais les faire moi-même. Tu vois, c'est un peu le principe, si dans mes souvenirs. Ouais. Tout, en gros. Voilà. Mais moi, j'avais pas de ça. Et c'est Arnaud qui est venu me voir en disant, j'ai une super idée. Je sais pas où comment il arrive là, mais il m'a dit, j'ai une idée. c'était un peu facile. Non, ah, bon, si t'es venu, on te m'a dit. Je t'ai dit, tiens, regarde, si t'as envie, on peut faire ça. C'est ça que j'ai dit, mais après... Je dis, bah oui, effectivement, voilà. Après... Donc voilà, donc l'idée du podcast, c'est Arnaud, et après, effectivement, ça collait, bon, ça marche, après, faut avoir quelqu'un avec qui ça fonctionne, et qui, voilà, faut les trucs un peu techniques. Et le générique, oui, mais il va changer un jour, c'est promis, mais il faut que je prenne le temps, et j'ai pas le temps, donc... Il changera pas. Je l'aime bien, j'en ai pas, ça me plaît, c'est rigolo, peut-être... Faudrait que je le refasse, que je garde un peu la même mélodie, mais que je le modifie un peu, mais bon, faut que je prenne le temps... Il et... changera pas. Tu mets un peu d'autotune. Tu sais, je connais des mecs, je dirais pas qui, qui ont des génériques où il y a les années dedans. Tu sais, ils disent en l'an 2014, tu vois, et puis en 2015, il a toujours le générique en l'an 2014, et puis en 2016. C'est sûr, quand... je sais plus qui c'est, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui a. Tu ah vas oui, changer, hein. Changé. Quand tu changeras le tien. Un jour. Ah, il le changeait la voix à chaque fois. Oui, je le fais à chaque enregistrement, ouais. Je gagne du temps. Ouais, donc, par contre, c'est moi qui joue de la guitare, c'est pas foufou, hein, mais bon, c'est. Voilà. C'est du GarageBand, ouais, je crois. C'est du GarageBand, mais voilà. Mais comment est venue cette idée, alors? Du quoi? Bah, de la musique. Pourquoi guitare, alors que je crois que tu es pianiste à l'origine? Et non, je suis... Non, ah, tu es guitariste à l'origine. Il est altiste. Oui, alors qu'est-ce que c'est que ça, encore? À l'origine de l'origine, Apollinaire de Sorel. Elle me jetterait des pierres. Comme... À l'origine de l'origine, je faisais du violon alto. Le violon alto est un violon un peu plus grave. C'est un violon un peu plus gros. Si vous avez l'impression que le violoniste est tout petit, c'est pas le violoniste qui est tout petit, c'est le violon qui est un peu plus gros. C'est un peu plus grave qu'un violon. Il y a un violon, violon alto, violoncelle, contrebasse. Donc moi j'ai fait ça pendant quelques... Ouais, je sais, c'est chiant. Un jour on te fera un podcast de 2 heures avec Apollinaire sur les instruments de l'orchestre. J'ai un hors-série déjà sur le baroque qui va arriver, alors bon, doucement. Hein. Oh la vache, Je suis pressé de l'entendre celui-là, violent, j'ai vu passer les Twitter. Oh là ça là, va être très violent. C'est Apo qui est là? J'aurai Apo, j'aurai Cochalou, je sais pas qui c'est, Titour, c'est Revan. Ça va être très compliqué, je vais roupiller tout le long. Ah tu sais que c'est violent le baroque, hein. J'ai emmené un jour un Arnaud à un opéra baroque, on est parti avant la fin tellement c'était chiant. Hein. Ouais, il était mauvais aussi. Hein. Non c'était chiant, c'est chiant, mais c'est le style un peu qui est comme ça. Donc moi j'étais violon altiste et puis après je suis tombé dans le rock'n'roll. Donc quand tu tombes dans le rock'n'roll, tu fais pas d'alto parce que ça a pas très beaucoup de sens. Et puis bon, après la structure conservatoire, blabla. Et là je me suis mis à la basse parce que j'ai retrouvé un pote que j'ai toujours de maternelle de l'époque qui avait lui qui était batteur, qui avait déjà un guitariste qui m'a dit ça m'intéresse pas que tu te mettes à la guitare, tu vas te mettre à la basse. Et on a joué du Beatles d'ailleurs pour l'anecdote. Les premiers morceaux que j'ai joué à la basse, c'est du Beatles. Comme quoi c'est facile, hein, le Beatles. Et puis j'ai joué longtemps de la basse, puis à un moment je me suis mis à la guitare, et après j'ai appris le piano en même temps, voilà, un peu pour comme ça. Mais donc je suis effectivement d'abord guitariste, et voilà. Donc j'ai fait une espèce d'impro, une espèce de rythmique un peu rock. C'est compliqué de faire un générique. C'est très compliqué parce que tu te dis très sérieusement, c'est qu'est-ce que ça raconte? Voilà, ça c'est un truc de rock. Donc nous l'émission, c'est rare, c'est compliqué de faire un générique qui annonce l'émission, donc tu fais un truc. J'avoue, il y a un petit côté Béja. Hein. Les génériques de Patrick Béja, c'est son frère qui les fait, qui est bien meilleur guitariste. Hein. C'est son métier, il en vit, c'est un monsieur très sérieux. Daniel Béja, je crois. Souvenir son nom. Oui, c'est ça. Et donc, il fait les génériques d'Upload, a toujours été un peu rock, un peu funky, machin et tout. J'ai dû partir un peu là-dessus en me disant, je fais une espèce de riff de rock et tout, donc voilà. Bon, après, t'improvises un peu, tu fais ça, puis ça doit durer 1 minute, voilà. Bon, voilà, c'était pour pas puiser dans les boucles, pas puiser. Parce que le seul truc que j'aime pas, c'est parfois les génériques où tu sens que c'est les boucles GarageBand que je connais un peu, donc ça peut se voir un peu. En général, les premiers génériques sont comme ça, souvent dans les premiers podcasts, puis après, au moment, ils se trouvent un générique. Voilà, dans les... Bon, après... Tu prends, on parlait de Split Screen tout à l'heure. Split Screen, c'est un générique qui est lié, qui est un ensemble de répliques de cinéma qui est hyper bien fait, c'est hyper malin, mais ça te raconte déjà ce qu'ils vont faire. Nous, se raconter ce qu'on va se faire, à part effectivement faire du NTM et faire du Clash, comme il avait fait une époque avec For My People. Bon. Ah bah dis donc, il est bizarre ton morceau 10. Hein. Bah, il est très bien mon morceau 10. Parce que on est quand même arrivé à un paradoxe assez rare. Vous êtes en train de raconter dans le Bro Clash. Dans la playlist, l'origine du Broclash qui va être diffusée sur le Broclash. J'ai perdu là, tu m'as perdu à Broclash. C'est normal. Au premier ou au deuxième? Les deux généralement. Mais alors pourquoi juste vous deux? Pourquoi vous n'avez pas ouvert un peu le Broclash à d'autres gens? On essaye de l'ouvrir, tu vois. On a, quand on fait les hors-séries, on essaye d'avoir d'autres personnes. On a aussi fait un crossover avec Draven et Julien de 24 FPS. 24 FPS, de 24 ouais. FPS. On a autant que possible, on essaye d'ouvrir aux gens, mais alors avec Laurent, on essaie quand même. Là, on est sur Mumble parce qu'on est d'abord dans la playlist et puis parce que c'était un peu plus pratique pour moi ce soir. Mais c'est vrai que nous, on essaye autant que possible de que le faire en vis-à-vis, en live, tous ensemble autour d'une table. Et c'est vrai que du coup, ça pose un peu plus de problèmes pour pouvoir le faire correctement, de pouvoir faire de cette manière. Quand tu commences à être plus de deux, moi, j'ai de quoi faire deux micros facilement. Il faudrait que j'arrive à avoir 3-4 micros, mais d'abord, c'est compliqué en matière de timing. C'est compliqué en matière de technique, un petit peu plus. C'est pas impossible, hein, c'est plus compliqué. On a eu la chance, alors moi on m'a prêté des choses dans un temps quand on était trois. D'abord on a fait du Skype ou du Mumble, 24 FPS c'était du Skype je crois. Quand oui. on a vu le coloriste de la BD Kaamelott, ça avait été du Skype aussi. Benoît Beka. On avait eu par contre Uriel pour l'illusionniste et pour Conan le Barbare, c'était là il était venu, on était trois autour d'une table. On avait fait des interviews de David Brage, Ogia, pardon. Pour les Star Wars, à l'époque où il bossait pour le pour Star Wars. On a eu la chance là de profiter de là où David enregistre ses podcasts, donc de pouvoir voilà, travailler comme ça. Mais il y a quand même une contrainte technique. Le problème, c'est que quand tu es là, ça marche parce qu'on discute d'un morceau. C'est compliqué. Enfin, Barberouche, tu ne t'apprends rien. Les Mumble à 4-5. C'est rapidement le bordel. Quand tu peux, moi j'ai testé, hein, dans la confidence on s'en fout, mais il est tard. Bon, je ne sais pas quand vous écouterez ça, mais il est tard. Moi j'ai fait deux pilotes d'un podcast qui ne sortira jamais, avec que je voulais un peu une espèce de truc de chronique, un peu, je vais dire un gros mot, mais une espèce d'effet de bande à la Ruquier, voilà, un truc où tu es 3-4, où chacun fait une petite chronique, un truc comme ça, et puis tu réagis, tu discutes, ça ne marche pas en Mumble, ça ne marche pas. Moi j'y crois pas, je ne sais pas comment font les gens. Même split screen dont on parlait, ils sont que trois et encore, ils ont leur temps. Ils sont bien plus heureux depuis qu'ils sont en vrai, qu'ils s'enregistrent face à face les uns les autres, qu'à l'époque où ils étaient en Skype ou en Mumble. Je pense qu'il y a beaucoup moins de montage. Alors déjà, ça c'est une première clé. Mais à deux, ça fonctionne. Toi, ce que tu fais dans la playlist en plus, par exemple, c'est que tu donnes la parole. C'est-à-dire que c'est toi qui tu fais une espèce d'interview. Ça se tient à peu près en Mumble. Pour réagir à quelque chose en direct, entre guillemets, tu vois, à 3 ou 4, c'est tout de suite le bordel. J'ai fait du ça va trancher quelques années. C'est très sympa, tu te marres, sauf qu'au bout d'un moment, c'est lourd dans le sens où tu dois faire gaffe parce que tu es en train de parler, l'autre commence à parler, donc tu t'arrêtes de parler. Enfin, si vous avez fait un jour du ça, c'est hyper classique. Faites une conversation Skype à 4, vous verrez que c'est très difficile. Tu n'as pas la même dynamique qu'une conversation normale. Donc, c'est ce qui explique qu'on n'ouvre pas trop. Et puis après... Enfin, on essaye, mais honnêtement, on essaye de trouver, oui, de faire participer d'autres gens. Et puis après, sur le fond, pourquoi juste Laurent et moi au début? Mais parce que fondamentalement, les questions, les échanges qu'on a dans les clashs, c'est des échanges qu'on a toujours eus. C'est des conversations qu'on a toujours eues, qu'on a toujours autour des films, autour de ce qu'on lit, autour de ce qu'on voit, autour de ce qu'on entend. Enfin voilà, c'était juste l'idée, c'était justement de s'amuser avec ça, avec les conversations qu'on avait, et les sciences qu'on avait, de les mettre, justement, de trancher sur qui avait raison, qui avait tort avec les votes. Voilà. Alors, grande question, attention. Hein. Ah, je sais ce qu'il va poser comme question, on n'a pas de réponse. Ah, vous faites chier. C'est ce que tout le monde pose. C'est les stats? Ah bah oui. Savoir qui a gagné le plus et tout. Mais on n'a aucune stat. Non, alors, sur les stats de qui écoute, machin, je ne sais pas. C'est vrai qu'il faudrait qu'on reprenne les épisodes depuis le début pour savoir qui a gagné à chaque fois. Voilà. À mon avis, ça doit être assez équitable. Non, ce qui serait intéressant, c'est de savoir qui est le plus souvent contre ou pour. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi égalitaire que ça, quoi. Donc, voilà. Bah, c'est pas dire j'ai souvent raison, mais tu es souvent contre. Mais, j'aurais pas tourné c'est ça comme ça. C'est une déformation, mais... ça. Voilà. J'aurais pas tourné ça. Non, mais voilà, après, c'est parfois difficile parce que malheureusement, je dirais non, heureusement, on a pas mal de goûts en commun, donc il y a beaucoup de choses qu'on aime beaucoup, dans lesquelles, donc, ça n'a aucun intérêt de l'amener dans le broclash. Alors, parfois, on trouve des subterfuges, comme ce qu'on a fait l'été dernier, où parler d'un réalisateur qui permet de parler. Bah, attends le prochain. t'as pas fini de faire Bauer. Ce qui permet de parler de toutes ces œuvres, et du coup, il y a des œuvres, on va être d'accord, des œuvres, on va pas d'accord, tu vois. Donc voilà, mais il faut quand même trouver un moment, un truc où on n'est pas. c'est le plus difficile, c'est de trouver des choses où on n'est pas d'accord. Quoi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de broclash sur la musique. J'écoute pas assez de musique. C'est entièrement, là, c'est, honnêtement, c'est d'abord de ma faute, c'est que j'écoute pas d'album. J'écoute de la musique ou des podcasts toute la journée, mais c'est ma bande sonore de fond, tu sais, c'est ma musique d'ascenseur à moi. Mais du coup, je fais, aux limites, les podcasts, je vais plus les entendre que la musique que je vais mettre. Et puis moi, j'écoute quasiment, honnêtement, hein, que de la musique de film ou mes vieux trucs. Quand je découvre des trucs, je vais mettre 10 plombes à les trouver, à l'écouter. Écoute, je vais prendre deux mois à écouter un pauvre album en entier, en continu, pour me refaire une idée. Du coup, c'est... Et puis, t'as bien vu, là, dans les échanges qu'on a, on a... Moi, je travaille... Enfin, la musique, c'est... je sais pas comment dire, c'est 100% du ressenti, de ce que j'en ressens, mais sans... Et je n'ai aucune connaissance, pour le coup. Je pourrais pas... Je peux pas parler de... Je peux identifier quand un mec fait de la merde. Ça, je sais. Dans le sens, quand il joue mal, je veux dire. Je précise bien, quand il fait de la merde, au sens où c'est vraiment pas réussi, ou c'est vraiment moche, ou c'est vraiment mal fait. Mais après, je peux pas te dire... Après, c'est qu'une question de goût personnel, donc c'est beaucoup plus compliqué, à argumenter, à discuter. On peut pas... Autant en cinéma ou en dessin, je peux aborder une partie du côté technique sans souci. Autant en musique, je suis vraiment trop nul là-dessus. Non, mais après, je trouve que moi, tu rentres vite dans l'analyse et ça, c'est vite chiant. Même pour moi, qui a un peu plus de capacité à faire ça en matière d'analyse de musique. Mais le problème, c'est que tu prends un album, c'est-à-dire que tu prends piste par piste. Tu dis, ah, celle-là, elle est bien, celle-là, tu vois. Enfin, moi, je trouve qu'à l'écoute, c'est beaucoup moins sympa. Tu vois, ce que tu fais est intéressant parce que la playlist, c'est rare, les podcasts musicaux vraiment intéressants. D'abord, il y en a pas beaucoup. Moi, j'en connais pas tant que ça. Il y a Bouli qui sort ça. Alors, Bouli a un refait un, effectivement. Mais c'est-à-dire qu'à un moment, d'abord, il faut effectivement deux personnes suffisamment passionnées pour rentrer dans le truc. Voilà, ce qui est pas effectivement, Arnaud est un peu moins là-dessus, ou en cinéma, en BD, en télé, on a les connaissances communes qui font que bah, on peut creuser un peu d'analyse, même si ça a ses limites aussi, mais on a suffisamment. Je trouve qu'en musique, moi, c'est plus compliqué, et je trouve que la présentation, tu vois, dans un podcast me paraît plus difficile. Alors, vous, que ce soit toi ou Bouli, vous prouvez le contraire, mais toi, il y a un côté, je trouve que la playlist, il y a une forme d'interview, c'est une interview illustrée, quoi, presque. C'est une espèce de truc où tu mènes ton interview en passant des morceaux, quoi. Mais c'est une interview, je trouve. C'est le gros avantage, j'ai absolument rien à faire. Mais j'ai pas besoin d'avoir une culture musicale, c'est génial. Non, mais voilà, c'est une interview que tu fais réagir des gens sur, bah, tu vois, ça, j'écoute ça. Tu vois, là, ce soir, il y a des trucs où on a trouvé de l'accroche, puis il y a des trucs, bah, ouais, moins, parce qu'il y en a un qui ça parle moins, parce que voilà. Donc, c'est pas forcément. Je suis pas sûr que la musique fonctionne comme ça, sortie du dire, parce que voilà, si tu pour sortir du j'aime pas, du ça me plaît pas, on en parle, hein, parce qu'on parle de cinéma, donc parfois on parle de la musique, voilà, quand on a parlé de Drive, quand on a parlé de trucs comme ça, forcément on évoque les musiques, on risque d'en parler dans le prochain, je vous tease bien, hein, vous avez vu. Tu feras un vrai teasing après, t'inquiète pas. Voilà. Non, mais je crois qu'on va peut-être le lâcher pour l'été. Donc, ça nous arrive, mais je trouve ça plus compliqué parce qu'il faut rentrer tout de suite dans la technique ou dans l'historique. Mais pour l'instant, on n'a pas trouvé le truc. Mais on n'a pas fait de BD depuis longtemps parce que, voilà, après, il faut trouver le truc. Oh, si, je dis des conneries en plus. Oui, t'en dis une grosse. Le dernier, c'est de la BD. voilà. Mais voilà, après, on est aussi. Moi, je suis beaucoup plus cinéphile, par exemple, qu'amateur de BD ou de comics, même si maintenant, je suis replongé un peu dedans. Donc, le cinéma, c'est un truc aisé. Le cinéma, c'est un truc aussi où ça peut parler un peu plus aux gens, parce que voilà, ils ont peut-être vu le film. Voilà. Ce qui est très compliqué quand tu fais le broclash, c'est que voilà, nous, on se pose pas tant de questions que ça, mais c'est vraiment de se dire, si tu fais vraiment le truc obscur où personne n'a jamais lu ni écouté, bah, c'est un peu moins intéressant quand même. Hein. Voilà. Tu peux faire découvrir. On a toujours des surprises, des gens qui découvrent, voilà. Toxic Avenger. Ouais, alors je pensais pas à celui-là forcément, mais voilà. Mais après, nous en plus, on fait un podcast où on analyse un truc, en donnant, on spoil. Alors pour faire découvrir des trucs, il y a mieux, quoi. Donc voilà. Bah, d'ailleurs, on l'a souvent, il y a Gecko dans les commentaires qui, par exemple, pas sur le dernier, sur l'avant-dernier, a dit bah, j'ai commencé, je me suis arrêté parce que je ne l'ai pas encore vu, donc je reviendrai finir de l'écouter. Bah ouais, non, mais... bah oui, sauf que on va pas faire un bouclage de 45 minutes sur un truc sans spoiler, ça va être juste intenable, quoi. Alors vous notez qu'on arrive, nous, à faire des choses en spoilant 45 minutes. Hein. Parce que des fois, tu peux faire 5 heures hein, sur des. Voilà, sans spoiler. Sans spoiler. Non, je charrie nos chers amis de 24 FPS qui ont une tendance à faire des podcasts un petit peu longs. Ouf, heureusement qu'ils sont passés sur Mumble pour pouvoir avoir du format compressé. Voilà, ouais. Donc voilà. Donc non, après le choix, faut qu'on trouve le truc qui nous mette pas d'accord, qui voilà. Donc bon, c'est ça. Mais c'est surtout Laurent qui a parlé pour l'origine du bouclage et pour son contenu. Mais Arnaud, pardon. Qu'est-ce que toi tu en ressors? La même chose. Vous êtes chiant. C'est facile ça. Qu'est-ce que je sais pas. Qu'est-ce que ça t'apporte toi le bouclage? C'est un truc assez simple, ça m'oblige à toujours aller chercher des nouveaux trucs, des nouvelles idées, d'aller, même si ça vous sent, même si des fois nos sujets sont parfois un poil mainstream ou générique, moi derrière je me recoltine d'aller voir des choses, je vais relire des BD que j'avais pas lu pour pas oublier une référence, et c'est un truc, ça participe à entretenir une curiosité, une envie de relire ou de lire des nouveaux trucs. Là, moi et Laurent, on dit qu'on n'a pas fait de BD alors qu'on en a fait au dernier, oui, mais ça, mais c'est pas oublié. Grave. Là, on va, là, puisque Laurent a teasé, le prochain, où nous allons parler d'un cinéaste, je vous tease encore. Là, du coup, moi, c'est bien, ça m'a replongé dans sa filmo. J'aime bien parce que du coup, j'ai revu un film que j'avais pas vu depuis super longtemps et que finalement, que je trouve génial parce que voilà, c'est un found footage qui mériterait d'être vachement plus connu. Enfin, pas entre autres ce film-là, mais j'ai revu d'autres films, par contre, que j'adore. Profondément. Donc non, c'est un truc. Je me suis aussi du coup penché, là pour le coup, sur la partie bande originale, parce que j'ai découvert plein de choses sur les compositeurs qui accompagnent ce réalisateur, qui sont bon, finalement. On va donner son nom, ça. Alors. Je ne sais pas, pour l'instant, on ne le donne pas. Mais enfin voilà, on va parler donc pour le prochain épisode de Zack Snyder. Je pense à Max Pécasse, je suis déçu. Non, Max Pécasse, on a décidé qu'on le ferait que le jour où on pourrait avoir Apollinaire des Barberousses en live. Voilà. Oh, Apollinaire, ça va se faire. Voilà. Mais effectivement, non, on va parler de Snyder qui est en plus un peu qui en plus, comme J.J. Abrams on avait fait l'été dernier, qui sont des réalisateurs qui sont hyper clivants, quoi. Snyder, voilà, le mec il est à moitié détesté, à moitié aimé de toute une sphère geeko machin. Donc voilà, donc c'est des réalisateurs intéressants en essayant de savoir pourquoi, effectivement de retracer son œuvre. Alors ça va être moins long qu'Abrams parce qu'il y a moins, il a fait des choses, hein, mais voilà. Tu t'avances à mon avis. Hein. Bah il a moins fait de séries. Enfin voilà, il est moins. Il y a pas l'accroche série sur autour de ce réalisateur, mais il y a. Oh non, c'est des films qui sont quand même tellement particuliers par moment que. C'est quand même un mec qui filme des hiboux au ralenti, quoi. Alors, ça s'invente pas, ça, quand même. C'est classe. Donc voilà. Ben voilà, non, pour revenir à ta question, voilà, c'est juste que ça entretient ma curiosité, ça entretient mon plaisir d'aller chercher des choses, ça combat ma fainéantise parfois à juste me contenter de ce que j'ai sous le nez. Enfin voilà, quoi. Et sinon, quel retour vous avez des auditeurs? On en a des commentaires. Comme Laurent se déplace tout le temps, on en a plein. toujours positif. Moi, il y a un truc qui me fait rigoler parce que j'y crois pas, il y a un truc qui me fait plaisir. Le truc qui me fait plaisir, c'est qu'on en dit « Ah, je connaissais pas, j'ai découvert, ça me fait plaisir. » Tu vois, il y a un côté... Quand t'as donné envie de voir ou de creuser quelque chose, ça fait plaisir. On a eu des très beaux commentaires de spécialistes, voilà, de gens passionnés sur un truc. Je pense à Harry Potter. On avait fait un truc sur la saga littéraire Harry Potter. Et on a vu un long commentaire de Camille qui avait même apporté des trucs, moi qui m'avait montré des trucs que j'avais pas vu dans Harry Potter, des choses, tu vois. Ça, c'est super plaisant. Après, ce qui me fait marrer, c'est quand on dit ah, vous êtes trop de culture. Ouais, non, voilà, c'est pas de l'esbrouf souvent. Alors moi, ce que je dis, c'est, je dis pas ça parce que oui, j'ai vu un certain nombre de choses, voilà, on va pas non plus tomber dans la fausse modestie, c'est pas terrible. Non, c'est que des fois, c'est des gens qui me disent ça, qui ont 19-20 ans, donc c'est pas que je suis plus cultivé, c'est que je suis plus vieux. Donc mathématiquement, j'ai vu plus de choses qu'eux, c'est obligé. Tu vois, il y a un truc où c'est mathématique. Voilà, spécial dédicace à Conan McFly. Oui, et c'était ZQSD qui m'a fait la remarque, mais ZQSD avait 19 ans, donc quand on a un certain nombre d'années de plus, tu vois plus de trucs. Mais par contre, ce que dit Arnaud est vrai. Ça fait dire que tu restes un peu en alerte, il y a un plaisir de critique, hein, de critique pas négative, mais d'analyse, parce qu'à un moment, malheureusement, on est beaucoup aujourd'hui dans un truc très agressif tout le temps sur ça c'est génial, ça c'est de la merde et tout, et de rentrer un peu dans décortiquer, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce mec-là a fait ça, qu'est-ce qui. Voilà, bah, ça apporte des choses intéressantes, quoi. C'est une des choses aussi sur lesquelles on essaye aussi de faire attention, justement, tout à l'heure je parlais de mainstream, on essaye relativement d'éviter les sujets à la mode. Non pas qu'on ait peur des critiques, ils peuvent tous aller se faire foutre, on n'en a rien à faire, on fait ce qu'on veut, on est chez nous. C'est juste que c'est pas ça qui nous intéresse. C'est pas on va pas parler, là tu vois pendant le podcast on a parlé de Stranger Things, mais on va pas faire une émission sur Stranger Things, on pourrait, hein. C'est pas la question. Hein. Faudrait que je regarde moi. Mais voilà, mais t'aurais juste qu'à regarder, techniquement c'est pas en soi compliqué. Voilà, mais si tu veux, mais ça nous intéresse pas, ça serait plus intéressant de faire, à la limite de faire une émission dans 2-3 mois, un, quand la hype sera retombée, deux, quand on commencera à avoir d'autres analyses, et qu'on verra sûrement d'autres choses, et après peut-être justement de reprendre Stranger Things sous l'angle de « mais est-ce que c'est vraiment un truc qui fait en hommage des années 80 ?» Ou est-ce qu'il y a autre chose comme... Mais voilà, mais le être dans le mainstream pour le mainstream, c'est pas un moteur pour nous. C'est vraiment... il faut que ça amène plus que le sujet en lui-même. Quand on va parler de Snyder, l'idée, ça va être de parler de ses influences, de tout un tas de choses, de reparler de Watchmen, donc du comics, de reparler bah, bien évidemment de Batman, de Superman, de tout le bordel qu'il y a autour, de la culture du nawak cinématographique chez DC et chez Warner, par exemple, alors qu'à l'inverse, en télé, DC est incroyablement cohérente. Ça va être bon aussi de reparler de 300. Mais vous verrez. Oui, mais vous avez, là, c'est du type de reparler on va, de 300. On va tu vois, il y a du mec en slip, hein. Voilà, il y a 300, qui est à la fois un chef-d'œuvre et un truc complètement anawakesque, ce qui est, enfin voilà, c'est voilà, tu vois, l'idée c'est que les gens après quand ils revoient le film ou quand ils le découvrent, de parler justement aussi comment il s'appelle, de l'armée des morts, c'est ça, oui, Dawn of the Dead, je me souviens plus titre français, Dawn of the Dead de Snyder, qui est un fond de footage complètement ignoré de sa filmo, que les gens, alors qui est pourtant super du rail, qui est vraiment très très réussi. Et que moi, je trouve qu'il est pour moi un de ses meilleurs films, en plus de reparler de Sucker Punch, justement, du fameux Sucker Punch, que tu es tant décrié ou tant mal aimé. Encensé, des fois sans mal aimé, mais des fois pas bien aimé pour les bonnes choses, enfin, de mon point de vue. Enfin, tu vois, il y a des choses à raconter. Quand les gens revoient l'œuvre ou la voient, un, il y a des choses à raconter, et deux, que nous, notre petite analyse à nous, parce qu'on va aussi être super clair, hein, on assume nos points de vue. C'est ce que je disais tout à l'heure, en faisant plus simple, on est chez nous, on fait ce qu'on veut. On assume nos points de vue, on n'est pas journaliste, on est nous. Ce qu'on dit, on le dit. On l'assume, on fait des choix. Des fois, on dit des conneries, des fois, on se plante, comme tout le monde. Mais par contre, nos opinions, on les assume de A à Z. Quand on dit qu'on aime ou qu'on n'aime pas certaines choses... On explique un peu, enfin, on essaie de... On les explique, mais je veux dire, on peut venir me dire, oh, tu dis ce que tu dis, c'est de la merde, c'est n'importe quoi, ce film, c'est une merde. Ouais, ouais, non, non, tu n'es pas d'accord avec mon opinion. Mais le film en soi n'est pas une merde, tu n'as pas le même avis. C'est tout. Après, il y a une façon de. C'est un truc que je déteste profondément. Il y a une façon d'expliquer les choses, il y a une façon d'avancer les choses. On peut expliquer pourquoi, à un moment, on apprécie une œuvre qui est moins intéressante. Il faut apprendre à différencier la qualité intrinsèque d'un film, d'une œuvre, d'un truc, et l'opinion qu'on peut en avoir dessus. Quoi. Voilà, donc c'est reconnaître qu'une image est belle, reconnaître qu'une photographie est travaillée, que. Après, on ne peut pas adhérer. Voilà, on peut rester complètement froid devant le film en disant, non, c'est drailleux. Laurent l'adore. Moi, je le trouve très beau, mais je le trouve chiant. C'est drailleux. Moi, c'est que je voulais être Ryan Gosling aussi. Donc voilà, c'est un peu là. Oui, mais c'est pour ça. Le problème pour ça, c'est les cheveux, c'est tout. Oh, bah, elle est toute mie. Non, mais il faut que tu le taises aussi. Ça marche pas, en fait. Tu peux pas. Lui, il se tait pendant tout le film. C'est ça qui est bien aussi. C'est une sorte de mystère. Mais c'est ça, tu vois. Après. Votez Arnaud. C'est un truc. T'es pas un truc parti pris, toi ? Non. Non, jamais. Barbichou, mais jamais. Barbero, s'il te plaît. C'est tout. C'est vrai que c'est un des vrais trucs dont on ne parle pas souvent, pour le coup. C'est que c'est vrai qu'on n'a aucun souci avec nos opinions. C'est vrai qu'on n'a pas, on a très peu, finalement, de contradicteurs directs ou méchants, tu vois, dans les commentaires ou dans les retours qu'on a. On a des gens qui disent « Ah non, on n'est pas d'accord. Je suis content, j'ai découvert Sim, mais franchement, j'aime pas pour autant son travail, tu vois. » Ça arrive dans les échanges qu'on a. On n'a jamais eu de troll pour le coup, tu vois. Finalement, on a peut-être raté notre vie de podcasteur, on n'a pas eu de troll. Faut gagner encore c'est une victoire, le premier troll. Hein. Le premier mec qui troll, c'est une victoire. C'est un truc où tu te dis... Non, mais ce qui est intéressant, alors, pour la blague, c'est que quand t'atteins, mais ça, des fois, alors soit c'est très bien quand ils se taisent, hein, ils sont pas obligés de venir non plus, mais quand t'atteins une masse critique, un certain nombre d'auditeurs, machin, t'as des gens qui finissent par arriver qui ne connaissent pas forcément d'origine. Et c'est là où t'as des trolls, hein, sinon, non, ça va. Mmh. Non, non, nous, ils sont tous gentils, mais c'est très bien qu'ils le restent. Hein, on n'a pas besoin de. J'ai expérimenté ça sur ce que je disais tout à l'heure, sur l'histoire de Stranger Things, sur la page du Point Pop. Après la critique de John Plisken, c'est les commentaires, c'est magique. Hein. Faut jamais lire les articles. Enfin, les articles, des fois, sont très bons. Les articles, mais alors les commentaires, tu dis, c'est what the fuck. Quoi. Donc, non, non, ceux-là, ils peuvent rester chez eux, ça me gêne pas. Au final, depuis combien de temps vous faites le broclash? Un an et demi, deux ans? Oh là, on n'est pas très régulier. C'est 4 ans, c'est ça? Non, je sais plus. C'est au moins 4 ans maintenant. Je sais même pas si j'ai un. Attends, je vais te dire ça. Le premier. Dernier épisode, 25 mai. Le premier, c'était Drive. Le premier. Mm-hmm. Alors, il doit y avoir une erreur parce que le premier épisode, il est noté en 2005. Donc, il y aura un petit souci. C'est 2012 sinon. Donc voilà, c'est ça, ça fait 4 ans. 2012, c'est ça que tu dis ? Mm-hmm. 2012, juin 2012. Et pourquoi t'en as un qui est nommé en 2005 ? Non, mai 2000. Parce que actuellement, là, sur le flux RSS, il est noté en juin 2005, le premier épisode. Mais qu'est-ce que c'est que cette... Faut que je regarde le flux. Et de la maintenance à faire. Hey, c'était Viking Drive. Ouais. S'il faudrait qu'on se refasse un Viking Drive, ce serait une bonne idée, ça. Ouais, surtout que moi, je veux bien te faire... 2012, hein, 2012. Godwin. Non, on va faire Neon, oui, ça, qu'on fasse Neon Demon. Ah, The Neon Demon, si tu veux. Quand tu veux. Ah, ouais. C'est beau, cette... Voilà. Ouais, cette bon. Créativité qui sort, comme ça. Yo, c'est magnifique. 4 ans de broclash, alors un petit bilan, comme ça. Oh, bon, on va continuer tranquillement. Après, ce que disait Arnaud, on aimerait bien arriver à avoir plus de gens, mais là... Après, le problème des podcasteurs, hein, il est le même pour tout le monde, c'est le timing, c'est-à-dire c'est de trouver le temps d'enregistrer, c'est de trouver les sujets, c'est pas forcément le plus compliqué, mais trouver les sujets, trouver le temps d'enregistrer, c'est-à-dire se préparer un peu, soit quand même, on parle de Snyder, il faut avoir le temps de regarder les films quand même un petit peu, c'est pour ça que parfois c'est compliqué, parler d'une série télé qui a 7 saisons, s'il y en a un d'eux qui l'a pas vu, voilà, tu vois un peu le taf. Super, vous ferez pas Fringe alors ? Si, on en a parlé d'abord, et puis d'abord on aime tous les deux, mais on en a parlé dans le. Sur GG. Ça, c'est le truc qui est frustrant parfois, t'as envie de parler d'un truc, genre au hasard, Akira, mais on peut pas. Parce que c'est pas possible, j'arrive pas à trouver une manière qu'on soit pas d'accord dessus. À part dire que l'adaptation est pas bonne, mais ça va vite. C'est même pas le cas, c'est même pas suffisant. Après, quoi. Voilà, donc, tu vois. Donc trouver. Et après, on a envie de faire des choses avec d'autres personnes, ça peut être intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant, les autres personnes, non pas forcément sur le clash en lui-même, qui moi j'aime bien qu'il reste à deux, c'est sympa, mais sur l'après. Sur un retour de clash, entre guillemets, sur un truc où tu fais venir quelqu'un qui est passionné du truc que tu as évoqué. Voilà ce qu'on avait fait avec David sur Star Wars, parce qu'il avait il avait croisé, il a été sur les plateaux, il avait la connaissance. C'était intéressant ça étendre un peu le sujet. Quoi. C'est tout d'un coup de chercher, pas quelqu'un qui tranche, mais de chercher un avis supplémentaire, quelqu'un qui a été soit dans la création, c'est l'idéal, on a eu la chance, ça nous arrive une ou deux fois. Soit qui a été proche du truc, donc voilà, ou quelqu'un qui est vraiment passionné. Je dis pas que si un jour on fait un épisode sur Sherlock, on n'essaiera pas d'inviter Astira, parce que voilà, c'est super drôle d'avoir son opinion sur Sherlock. Voilà, je sais pas si elle va légèrement biaiser, mais... Oui, mais c'est intéressant, parce qu'elle est à fond sur le truc, donc t'abordes le truc différemment, et puis donc voilà. Donc c'est plutôt dans cet univers, à mon avis, ça va être intéressant de voir ça. Et j'aurai une dernière question, et ce sera la dernière parce que ça fait plus de 2 heures qu'on enregistre. Est-ce que... Ça va, on a été court. Oui, par rapport aux épisodes d'habitude, oui, ça commence à être plus court, ça m'arrange. Est-ce qu'il y a un des bros qui serait prêt à laisser sa place ? Ah bah non, sinon le nom, il n'a plus de sens. Pour un épisode ou tout le temps ? Ah, pour un épisode. Je ne suis pas sûr, moi. Non, ça me... Non, je ne suis pas... Ce serait bizarre. Ouais, voilà. Je sais pas que je serais pas prêt à laisser ma place et que ça m'amuserait pas de faire ça à quelqu'un d'autre, tu vois. Ça. J'ai plein de potes avec qui j'ai ce même genre de débat où dès qu'on se retrouve à table à boire un coup, on part sur des trucs. C'est très fréquent, voilà, surtout dans notre milieu. Enfin voilà, on croise des gens très passionnés par le cinéma, par le machin. Tu mets deux cinéphiles, tous les deux, ils ont 3 avis. Quoi. Enfin, c'est un côté où les cinéphiles ne sont jamais d'accord entre eux. Ça n'existe pas. On a eu la chance de croiser John Plisken, Dr. No. On a parlé, tu parles tout de suite. Puis t'as la conversation ressemble à un espèce de clash très vite. je dis clash de manière très gentille, hein, mais de discussion sur moi j'aimais ça, voilà. Mais je trouve que non, sur, dans l'émission, moi ça me... Non, non, je me vois pas faire ça avec quelqu'un d'autre, non. Bah, c'est-à-dire que je trouverais ça bizarre. Si pour une raison... Enfin, faudrait que ça ait un sens. Je sais pas comment le dire autrement. Tu vois, il faudrait que... si c'est moi qui suis pas là ou si c'est Laurent qui est pas là, mais qu'on fasse un bro clash, il faudrait que ça ait un sens, soit par rapport au sujet, soit par rapport au fait que l'absence de Laurent ou de la mienne aurait une logique, tu vois, mais en soi, non, j'ai pas de raison. Je connais qu'une seule raison qui pourrait expliquer l'absence d'un des deux. C'est-à-dire que le sujet de l'œuvre... Je t'aurais passé par la fenêtre. Ça veut dire que l'œuvre traitée, soit qu'il y en a un des deux, qu'en soit l'auteur. C'est la seule explication pour que... Ou ce pour serait qu'on... peut-être très compliqué à faire, ça. Bah non, bah justement. Bah, c'est, oui, c'est mais justement, ce serait là, honnête, là, pour le coup. Tu peux pas présenter une œuvre et la défendre, ou soit toi, ce serait... Ce serait complètement... Alors la probabilité que ça arrive est très faible. On n'est pas couché, ça veut dire que si c'est pour se faire démonter, défendre quelque chose face à des gens qui t'attaquent, c'est hyper vilain. Ça, comme truc, ça marche très très... Nous, ça marche parce qu'on est... quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, c'est ni l'un ni l'autre. Mais tu vois qu'ils l'avons créé, donc moi je peux prendre parti pour un réalisateur ou pour une œuvre ou inversement, etc. Mais alors défendre son œuvre face à quelqu'un qui t'attaque, et j'aime la critique, hein, dans tout ce qu'elle, ça me gêne pas de, je trouve la position pas terrible, quoi. Par contre, tu vois, c'est ce que je te disais, faire un truc où t'es quelqu'un d'autre qui vienne faire ça et après toi tu viens rajouter parce que voilà, mais c'est la seule explication qui pourrait expliquer l'absence de l'un des deux. Aucun intérêt à faire ça, tu vois, ce serait bizarre de le faire. Quand Laurent veut parler d'autre chose, il va dans un autre podcast. Ça arrive. Il veut parler de beaucoup de choses. Voilà. Mais si pour le seul truc qu'on peut, si tu vois le seul truc qu'on peut pas faire, mais qui pourrait être drôle, mais qu'on peut pas, mais qui pourrait être drôle, c'est faire des clashs sur des podcasts. Ah, c'est compliqué quand même. Bah, c'est pas gentil pour les. C'est copains. Compliqué parce que forcément, trois jours après, tu bois un coup avec l'un d'eux et il dit alors en fait, t'as dit de la merde. Ouais, alors là, tu dis comment te dire. Tu vois, il y a peu de chances que je bois des coups avec Gigi Abrams. Il y a peu de chances dans l'idée. Ça me plairait, hein, mais voilà. Et il y a peu de chances qu'il me tape ça sur les coups en me disant c'est pas sympa ce que t'as dit sur moi, voilà. Si d'ailleurs moi, tout ça va. Voilà. Mais par contre, faire des trucs sur des podcasts où trois semaines après, tu croises le mec qui fait le podcast et qui te dit au fait, t'as dit que c'était de la merde mon truc et tout, même si on n'est jamais aussi catégorique que ça. Voilà, bon, c'est comme ça. Bon, ben, j'arriverai pas à vous séparer, c'est extrêmement pénible, c'est chiant. Vous êtes pas drôle. Oh. Si, vous êtes pas drôle. Ah, mais tu t'es trop mignon. Je vous emmerde. En plus. Oh, en plus, tant qu'à faire. Et tous les deux, tiens, pour une fois. Alors, où est-ce qu'on retrouve le broclash sur les internets? Je vais plus poser la question. Ah bah c'est facile, c'est www.thebroclash.fr. T-H-E-B-R-O-C-L-A-S-H. Si tu savais le nombre de fois après le premier épisode où j'ai répété cette putain de phrase pour arriver à le dire correctement. J'étais super content du nom, puis on a découvert qu'il y avait le broadcast, qu'il y avait plein de trucs qui tournaient autour de ça. Ouais, mais au final, j'ai remarqué ces derniers temps, il n'y a plus que nous qui existerons. C'est pas gênant. Du coup, voilà. Après, Twitter. Moi, on me retrouve sur Twitter, @Arnaud, @ArnaudDoucet. Sinon, Laurent, on te retrouve aussi sur Twitter. @LaurentDoucet, @ArnaudDoucet. Il y a un Twitter du Broclash, @THEBROCLASH, qui tweet juste pour les épisodes. Si des fois, qui est mentionné par Podren, tout ça, parce que voilà. Je vois ça. Non, parce qu'on a eu la chance de faire un broclash en public. Oui. À Podren. Oh, c'était cool. C'était pas évident parce que là, fallait justement faire venir des gens extérieurs et tout. Et c'est compliqué. Je vais rebondir juste un truc sur ce que je disais tout à l'heure. Quand on a eu des gens, on a fait venir. Alors, je sais plus, il y a Phil Good, je crois. On a fait venir Randall, on a fait venir Marine, etc. Ce qui est compliqué, c'est d'amorcer la conversation. C'est de commencer à lancer le débat, tu vois. Voilà. Avec Arnaud, on connaît suffisamment depuis. Enfin voilà, on marche suffisamment dans le débat, comme disait Arnaud, ça nous arrive tout le temps, pour que ce machin, il se lance tout de suite. Toi qui es. T'as bien vu d'ailleurs. Il y a zéro problème. C'est-à-dire qu'on se pose, claque, et. Oui, mais j'ai cherché aussi. Oui, non, mais. Et très vite, il y a des choses qui démarrent. Faire venir des intervenants extérieurs, il faut qu'ils se rendent dans ce moule-là, et c'est un peu plus difficile. Mais par contre, on s'est vachement bien marré. Voilà, on a parlé de Lucie, on avait parlé du Misérable, on avait parlé. Oh mon Dieu. Voilà, c'était assez drôle. Mais l'expérience en public, c'est marrant. Je dis tout de suite, au fait, parce que j'ai pas encore répondu à Perrouchou, mais ça sera pas possible pour moi cette année. Donc, si au Podren, s'il y en a un, ce sera que Laurent. Bon, moi, je vais essayer de voir. J'ai vu la date, mais je verrai. C'est le week-end avant que moi j'aille à Bordeaux pour le boulot. Donc, alors, répondez pas par podcast interposé, ça va être interminable. Voilà. Le temps qu'on monte et tout, ça va être super compliqué. Vous voyez ça plutôt par DM ou par Twitter. C'est peut-être plus simple. Bon, bah, moi, je vous remercie d'être venu. Bah, merci de l'invitation. Très agréable ouais, moment. Merci de l'invitation. Très bien. Et c'est bien la playlist. Hein. Continuez à trouver des super invités. Ouais. Ça démonte bien. Ouais, faut que les gens viennent participer. Là, j'ai entendu, il y en a plein là, qui veulent participer, mais il faut qu'ils se bougent, qu'ils envoient leur mail, putain. Ah non, mais c'est bon, j'ai plein de mails. Il faut que je les enregistre. Ah d'accord, c'est toi qui as du retard. Oui, j'ai la flemme en ce moment. Et puis moi, je suis pressé d'avoir le HS sur le bar. Okay. Alors, peut-être attendre un petit peu. 2017, le temps que je trouve un appart, tout ça, avec les murs capitonnés. Ça va venir, ça. C'est clair. Bon, maman, vous pouvez me retrouver sur la playlist @la_playlist sur Twitter, la-playlist.podcloud.fr pour le site. Et puis, bah, apparemment, sur le site de Broclash, vu que bah, vous allez faire un Broclash là-dessus. Oui, on va relayer cet épisode en HS avec le vote. Qui va gagner ce vote? Votez Arnaud. Ah bah, votez-moi. Hein, mais votez-moi, vous avez vu comme ils sont méchants. Vous avez vu, hein, ils s'allient tous les deux. Faut prendre la défense du plus faible, c'est-à-dire moi. Hein, voilà. Oh là là, ça y est, il est reparti. Bah non, mais c'est méchant. Ah, le Calimero, ça commence. Oh là là. Un jour, Perrouchou, je présenterai un Queen de vie à ta place. Ah bah, bonne chance. Hein. Ah bon, ils sont chiants. Ah non, mais par contre, toi, il fait plus de Queen de vie depuis longtemps. Oh merde. Bon, non, je vais. Non, mais même, moi, à chaque fois que j'entends un Queen de vie, des fois, je te. Oh. Mais non, faut pas dire ça. Non. C'est juste en 2013, c'est tout. Bon, bah, je vous remercie. Eh, 3 ans, quand même. C'est vieux, quand même, quand on y pense. Oui. Et il va falloir que je fête aussi un an de la playlist. Je sais pas comment je vais faire. Mais enfin, bon, bref. Ouais. Bah, en tout cas, non, encore merci. Hein. C'était vraiment, vraiment sympa. Et votez pour moi. Hein. Votez Arnaud. Et venez participer à la playlist. C'est génial. Voilà, envoyez vos mails. Torturez-vous à trouver les 10 meilleures musiques. C'est tellement plus rigolo à faire. Puis si je vous conseille juste comme petit teasing comme ça, mettez-vous de côté une liste de 10 films, ça peut toujours servir. Ouh, ça peut toujours servir. On sait jamais. On reviendra. Oui, bah oui. Bah, oui. Bah, l'un de vous deux, techniquement. Alors là, par contre, prévoir un très gros disque dur. Hein, parce que... Non, on va passer juste un extrait, on va passer 2h30. Ah non, mais 3 heures par film, ça fait 30 heures. Hein. Oh là là, qu'il est long. Enfin bon, bref, merci encore d'être venu. Bah merci. Bah, je le publie assez rapidement, enfin je vais essayer, enfin, on va bien voir. Puis j'ai vraiment hâte d'avoir les retours. Je veux avoir ce résultat. On va travailler pour. Bon, bah, à la prochaine playlist. Oh, pas tout de suite le baroque. Hein. Je ne sais pas encore qui va être après. Bon, peut-être Oasis, peut-être Titours, peut-être. Je ne sais pas encore. On verra bien. Ah, c'est bien. Ça va être long aussi. Ça va être long. J'ai quasiment sorti 2 épisodes en un mois. Donc, attendre un peu. Mais comme toujours, je serai plus régulier au suivant. Toujours. C'est ce qu'on tout dit. Tout le monde dit ça. Bon, moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut. Salut. Ciao.